Bonjour. Bienvenue au KSDN, bienvenue à la fabrique d'admiration et d'impertinence et merci d'être aussi nombreux. C'est toujours un peu idiot comme phrase parce que vous n'êtes pas venus tous ensemble, mais voilà, ça fait plaisir de voir autant de monde en tout cas. Juste pour vous redire voilà ce qu'est un peu la fabrique. La fabrique d'admiration et d'impertinence, donc 22e, saison 4. A pour ambition de proposer des rendez-vous qui croisent gestes artistiques, paroles artistiques et gestes universitaires, paroles savantes, avec des spécialistes sachant et voulant mettre en jeu leur savoir. De proposer des espaces de pensée qui dialoguent entre artistique et culture savante. Entre culture artistique et culture savante. Ce projet est porté par le Centre dramatique national, mais également par les deux universités d'Angers, l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest. Donc, salut ici, je vois quelques membres du comité de pilotage de la fabrique, j'en profite pour saluer. Après celle-ci, après ce soir, encore deux fabriques cette saison, l'une autour de l'anticipation du crime et une autre autour des algorithmes. Ce soir, on vous propose comme fabrique de père en père, quel genre de père ? L'idée, c'était de la proposer d'abord dans le cadre du mois du genre de l'Université d'Angers, qui a lieu donc en ce moment, et également en écho à la création de Frédéric Bélier-Garcia, retour de Frédéric Bradberg, qui sera présenté et créé au mois de mai, ici même, qui recourt au trio père-mère et enfant pour les envoyer, comme dit Frédéric, je vais reprendre une phrase que j'aime bien, pour les envoyer tambour battant, non tu veux pas que je la dise, pour les envoyer tambour battant dans la grande lessiveuse de la société contemporaine. Ouais, t'as dit un truc comme ça. En tout cas, j'en profite pour vous présenter les intervenants du plus loin au plus près. Je vous présente Carole Avignon, qui est maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université d'Angers. Emmanuel Graton, qui est maître de conférences en psychologie clinique sociale à l'Université d'Angers. Claudine Combier, qui est maîtresse de conférences en psychologie sociale et psychopathologie. Et bien sûr, Frédéric Bélier-Garcia, donc metteur en scène et directeur du Quai. Et je vous souhaite une bonne fabrique. On va être ensemble pour une heure environ, suivi d'un échange avec vous. Voilà, à l'issue de cette heure. Et c'est toi qui enchaîne. Donc, merci, Jenny. Je suis censé lancer la chose un peu, effectivement, entre ce lien entre la pièce et l'actualité. Généralement, on aime bien organiser, fabriquer en quelque sorte des fabriques. Quand on trouve un lien entre un sujet qui nous paraît d'actualité, en l'occurrence la paternité, quelle que soit l'actualité un peu générale de ce sujet, et une pièce qu'on a souvent en production d'ailleurs, et qui attrape ce sujet par un bout ou par un autre. Là, effectivement, c'est une pièce... Pour vous dire deux choses et lancer le sujet en parlant de cette pièce. C'est une pièce donc d'un auteur de la nouvelle vague norvégienne qui s'appelle Frédéric Bradberg, un jeune auteur qui écrit des comédies norvégiennes. En soi, ça, le concept est bizarre, mais il écrit, oui, un peu le drame généralement est attribué aux Scandinaves et la comédie plutôt au latin, mais c'est un auteur qui attrape dans les filets de la comédie des sujets contemporains. Je vous montrais deux pièces de cet auteur. Et en l'occurrence, il attrape un peu la famille nucléaire, c'est-à-dire ce fameux trio, c'est un peu cette trinité laïque et contemporaine du la mère, l'enfant, le père, qui est censé être dans ce monde qui post-patriarcal un havre de liberté, d'épanouissement, de générosité et de coolitude. Et en quelque sorte, il l'attrape comme on le fait avec la comédie. Avec différentes petites pièces, un peu comme les Italiens faisaient avec les nouveaux monstres ou quoi, différentes petites pièces, il attrape ce trio avec la manière de la comédie, c'est-à-dire avec quelque chose de simplifié, de caricatural, mais qui attrape, essaie de choper les failles qu'il y a dans ce discours bienveillant pour cette nouvelle entité. Et il le fait dans deux pièces, une qui ne nous concerne pas, Retour, et une autre pièce qui a pour titre Le père de l'enfant de la mère. quand cette pièce nous est arrivée en anglais, d'abord, on a cru qu'il y avait une erreur de traduction, parce que le titre nous paraissait tout mou. Et tout, voilà. Et en fait, en réfléchissant, en bossant la pièce, en fait, dans ce titre, dans la complexité de ce titre, c'est un très beau titre parce qu'il est à la fois complexe, il produit des effets de sens différents et même contradictoires, et un peu, on pourrait dire que d'une certaine manière, que dans ce titre est toute la question de la paternité, de la nouvelle paternité. Est-ce que le père peut se détacher de cette place un peu extérieure ? Voilà. Bon. Ça, de débat, ça me tranchera. Juste qu'on m'a demandé de faire une intervention un peu théâtrale là-dessus. Oui, juste pour en venir à la pièce, qu'est-ce que... Je reprends ma note. Oui, dans cette société, un peu le thème de la pièce, même si ça reste une couille, dans cette société où le patriarcat, on avait une discussion là-dessus tout à l'heure, si vous m'autorisez, est un peu, en perdition... disons, a pris un coup de pelle un peu dans le dos, en tout cas la légitimité du patriarcat est un peu en liquéfaction, qu'en est-il du père ? Et si on prend ce qui est théâtralement dans la pièce le plus tôt, si on est dans un moment où le partage des tâches, qui est l'élément quantifiable un peu, en tout cas le plus quantifiable, le partage des tâches ménagères, des soins de l'enfant est le plus partagé entre le père et la mère, on voit où nous amène ce partage. Au bout du compte, il y a une sorte de libération ou une possible épanouissement de la mère un peu allégée de ses tâches. Mais dans cet horizon, qu'en est-il du père ? Est-ce qu'il devient une sorte de seconde mère une fois les tâches partagées ou une sorte d'assistant maternel ? Et, ce que pose la pièce, qui est inclus dans le titre de la pièce, est-ce qu'au terme de ce processus, il peut espérer mériter, en quelque sorte, être autre chose que le père de l'enfant de la mère. Est-ce qu'il peut mériter ou avoir droit à la tendresse, à l'amour, en quelque sorte à l'élection de l'enfant ? Et c'est dans une forme de comédie où vous ne reconnaîtrez rien de ça, ce dont traite la pièce. Et simplement, pour aller au plus vite, à ma lecture rapide, en fait, Bradberg est parti... d'une anecdote qui lui arrivait. Bradberg, au départ, est un compositeur de musique contemporaine, compositeur d'opéra contemporain. Et au début, compositeur marchant modérément, donc il était chez lui la plupart du temps. Et sa compagne, qui venait d'avoir un enfant, a eu une ascension sociale plus rapide que la sienne. Donc il restait chez lui à essayer de composer et à garder l'enfant. Et de là lui est venue l'idée d'écrire... mais à la manière d'une composition d'opéra, sur cet état de fait. Donc il a composé une pièce en 38 scènes, qui sont une variation sur 10 scènes. Vous me dites stop si vous ne comprenez rien. Non, il a écrit 10 scènes de la vie domestique qui sont répétées, avec une variation minimale, un peu comme il me dit, comme une fugue ou comme un morceau de Beethoven. C'est des thèmes un peu différents qui varient un tout petit peu, et en fonction de leur variation, ils développent une humeur nouvelle. Et donc, je vais vous lire, c'est ça, c'est la perf que m'a demandé de faire Jennifer Dodge, qui ne sait pas si ce sera une bonne introduction à la pièce, mais en tout cas, introduction au débat. Il a écrit, par exemple, dans cette pièce, il y a une scène qui est répétée 9 fois. À différents moments de la pièce, et c'est sur la variation de ça qu'évolue le destin des personnages. Alors je vais vous tenter, je peux m'arrêter en cours si je sens que ça ne passe pas. En plus, je ne suis pas acteur, et les acteurs, Jean-Charles Cliché et Michel Mouque qui interprètent ça, sont beaucoup plus performants que moi. Alors c'est la scène A, elle arrive une première fois. La mère entre, je vous lis des escaliers, toi. La mère entre avec un vélo. Elle a accroché au guidon de lourds sacs remplis de commissions. Devant elle, un escalier raide d'environ 8 marches. La mère appelle le père. La mère au téléphone. « C'est moi, je suis dehors. Si tu peux venir m'aider ?»« Tant. Parfait. » Le père met ses chaussures en y enfonçant simplement ses pieds. « Sors. » Et il sort. La mère. « Ah, te voilà. » Le père. « Oui, me voilà. » Elle nage dans le bonheur avec sa dinette. La mère. « Si tu pouvais te dépêcher un peu. » Le père. « Oui. Oui, je me dépêche. » La mère qui tient toujours le vélo avec les sacs de commission finit par le lâcher. Le père prend le relais. La mère, tu veux que je prenne un sac ou deux ? Le père, non, ça va aller. La mère grimpe 4x4 les marches, impatiente de retrouver Frida. Le père monte le vélo avec les commissions en haut de l'escalier. La mère, que c'est dur d'être parti, le père, surtout toi qui es habitué de rester à la maison. La mère entre dans la maison. La mère, Frida, bonjour Frida. Le père retire les courses du guidon, verrouille le vélo, emporte les sacs à l'intérieur. Première scène. Deuxième scène, la mère entre avec le vélo. Elle a accroché au guidon de lourds sacs remplis de commissions. Devant elle, un escalier raide d'environ 8 marches. La mère appelle le père. La mère au téléphone. « C'est moi, je suis dehors. Tu peux venir m'aider ?»« Tant, parfait. » Le père part la rejoindre, ouvre la porte d'entrée, s'arrête sur le seuil pour mettre ses chaussures, puis nouer ses lacets. La mère « Ah, te voilà !» Le père « Oui, me voilà !» Elle nage dans le bonheur avec sa dinette. « La mère, si tu pouvais te dépêcher un peu. » Le père « On a mis le couvert pour toutes les poupées, on a rempli les tasses d'eau, on sirote de l'eau. Tu sais, les petites tasses à café, la mère... » Oh, tu peux pas savoir ce qu'elle me manque, le père, j'imagine, surtout toi, qui es habitué de rester à la maison, qui est habitué de rester seul avec elle. La mère, si tu pouvais te dépêcher un peu, le père, elle a été tellement mignonne. La mère, le père a enfilé ses chaussures, il sort. La mère, qui tient toujours le vélo avec les sacs de commission, finit par le lâcher, le père prend le relais, la mère grimpe 4 à 4 marches pour atteindre la cour, impatiente de retrouver Frida. Le père, tu peux être contente de la revoir, elle a été tellement, tellement adorable aujourd'hui. La mère entre dans la maison, le père monte le vélo avec les commissions au haut de l'escalier. La mère, Frida. Bonjour, Frida. Le père verrouille le vélo, retire les commissions du guidon et les emporte. Je vous passe cette variation. La variation est minime. Scène 9, la même scène. Il y a d'autres scènes entre vous inquiétez pas. Hein. Il y a d'autres scènes qui sont entre les deux. La mère entre avec le vélo. Elle a accroché le guidon, le lourd sac rempli de commissions. Devant elle, un escalier raide d'environ 8 marches. La mère appelle le père. C'est moi, je suis dehors. Si tu peux venir m'aider. Oui, silence. Le père ouvre la porte d'entrée, s'arrête sur le seuil. Le père, on joue. On est en train de jouer. La mère, oui, désolé, c'est que c'est dur de monter le vélo avec toutes ces commissions. Désolé. Vous jouez à la dinette? Le père, oui. Le père met ses chaussures. Est-ce que c'est chouette qu'elle s'intéresse à ce genre d'activité? Jouer à la dinette? Le père, oui. Est-ce que c'est rigolo maintenant? La mère, est-ce que j'ai hâte de la revoir? Est-ce que c'est long d'être parti toute la journée? Le père a enfin enfilé ses chaussures, sort rejoindre la mère. La mère qui tient le vélo avec les sacs de commission finit par le lâcher. Le père prend le relais. Le père retire les sacs de commission du guidon, les donne à la mère. Le père monte le vélo en haut de l'escalier. La mère entre dans la maison avec la commission impatiente de revoir Frida. La mère, Frida, bonjour Frida. Le père verrouille le vélo. Il n'en reste plus que deux. La mère, scène 13, la mère avec le vélo, elle a accroché au guidon de lourds sacs remplis de commissions. Devant elle, un escalier d'environ 8 marches. La mère appelle le père. C'est moi, je suis en bas, si tu peux m'aider. Silence. Mes commissions sont tellement lourdes. Silence. L'escalier est tellement raide. Silence. Le père ouvre la porte d'entrée et s'arrête sur le seuil. Ah, te voilà. La mère. Ah, te voilà. Le père, on était en plein dans un truc. La mère, oui, désolé. Le père met ses chaussures en y enfonçant simplement ses pieds et sort. Le père monte le vélo avec les sacs de commission en haut de l'escalier. La mère, ce que c'est dur de les porter avec toutes ces commissions, désolé, mais cet escalier, c'est pas facile. Vous jouez à la dinette, ce que c'est chouette qu'elle soit mise à la dinette. Le père, on joue à la dinette. Le père retire les sacs de commission du guidon, les emporte à l'intérieur. La mère verrouille le vélo. Le père, Frida, est-ce que papa peut avoir un petit café? Papa est sorti maintenant, il a une drôle envie de petit café. Je vous fais une dernière. Attends, je sais parce que d'aller plus loin. Il y a des variations progressives de ça. Les deux dernières sont la mère avec le vélo. Elle a accroché au guidon de lourds sacs remplis de commissions. Devant elle, un escalier raide rempli d'environ 8 marches. La mère appelle le père. La mère au téléphone. C'est moi, je suis en bas. Si tu peux venir m'aider. Le père ouvre la porte d'entrée et s'arrête sur le seuil. Ça va pas du tout. La mère, mais regarde, j'ai acheté du pain, regarde, il était lourd. J'ai à peine réussi à l'accrocher au guidon, le père, ça va pas. La mère, mais regarde, j'ai le pain, il est si gros, je peux tout de même pas demander de l'aide. Je peux tout de même demander de l'aide quand je rentre avec le pain aussi gros, mais regarde-le au moins, à peine si j'ai réussi à l'accrocher au guidon. Ça va pas du tout, le père, ça va pas du tout. Silence, ça va pas du tout. Long silence, ça ne va pas. Et dernière scène, qui n'est pas la dernière scène de la pièce, mais plus courte. La mère avec un vélo. Elle a accroché le guidon de lourds sacs remplis de commissions devant elle, un escalier raide d'environ 8 marches. La mère monte d'abord les commissions en haut de l'escalier, puis elle redescend pour aller chercher le vélo. Le vélo est lourd et l'escalier est raide. Mais en définitive, tout se déroule bien. Bien, donc c'est à moi de continuer la conversation sur cette délicate question du père. Alors je voudrais peut-être introduire mon propos sur la paternité En commençant par souligner que finalement ce qui caractérise la paternité contemporaine, c'est sans doute l'effort manifeste qui est produit pour échapper au poids d'un héritage patriarcal qui est marqué par le modèle traditionnel du pater familias romain qui donnait donc aux pères tous les pouvoirs sur leurs enfants. Les pères d'aujourd'hui, encouragés, on va dire, par le post-féminisme, cherchent donc à se débarrasser de la mauvaise image d'autoritarisme et à s'écarter de la figure caricaturale du père fouettard, figure stéréotypée, qui se cache derrière la menace « si tu continues, je dis tout à ton père ». Donc on serait passé de l'éloge finalement du père sévère, répressif, à une nouvelle éloge qui est l'éloge du père sensible, tendre et on va dire précocement impliqué auprès de ses enfants. Autrement dit, les pères modernes sont donc attendus dans un positionnement qui est en rupture avec le modèle traditionnel occupé par leur propre père. Alors ce décalage va bien évidemment impliquer une donne identificatoire dans le sens complexe, dans le sens où ils vont devoir en quelque sorte s'inventer père autrement. Alors d'ailleurs, la question finalement qui va nous traverser et qui vient se poser en héritage avec tout cela, c'est finalement qu'est-ce qu'un père ? Qu'est-ce qu'un père ? Le père est-il celui qui a contribué génétiquement, on va dire, à la venue de l'enfant ? Le père est-il le mari de la mère ? Le père est-il celui qui donne son nom, qui transmet le patronyme ? Le père est-il celui que l'on trouve dans le livret de famille, celui qui se déclare comme tel ? Le père est-il celui qui élève et éduque l'enfant au quotidien ? Ou encore, le père est-il celui qui éprouve des sentiments d'amour paternel à l'égard de l'enfant ? Dans le cadre d'un travail de recherche qu'on a conduit à l'Université d'Angers et avec aussi l'Université de Nantes, avec Emmanuel Graton et Catherine Selnay, et avec l'aide d'étudiants de psychologie de l'Université d'Angers, on a essayé d'explorer en fait les représentations de la famille chez les enfants. Et à cette occasion, on a eu la curiosité de justement leur poser la question qui a été de savoir finalement qu'est-ce qu'un père pour toi ? Ces enfants qu'on a interrogés sur qu'est-ce qu'un père sont des enfants qui sont issus d'écoles primaires. On est allé les rencontrer à l'école et ces écoles appartiennent donc à des bassins sociaux, on va dire, plus ou moins favorisés pour l'une que pour l'autre. Voilà, alors je vais vous laisser écouter un petit peu leurs réponses. Je trouve assez intéressant finalement d'écouter la réponse des enfants quand on leur demande qu'est-ce qu'un père. Si je te dis le mot famille, à quoi cela te fait penser ? À papa, maman, des enfants. Papa, maman, des enfants. Une maison. Peux-tu me dire qui fait partie de ta famille ? Il y a mon frère, il y a mon papa et il y a ma maman. On n'est que quatre. Qu'est-ce qu'une mère ? C'est... Maman, c'est ce qui fait des bébés. Et qui s'occupe des enfants quand le papa va travailler. Et qui fait travailler parce que papa n'est pas là. Qui nous montre tous les exercices. Et qu'est-ce qu'un père ? Un papa, c'est ce qui travaille. Il travaille. Il regarde la télé. Il prépare des fois la cuisine. Pas tout le temps. Et ils sont pas là la semaine. Qu'est-ce qu'une mère ? Déjà c'est elle qui t'a fait qui t'a fait vivre, enfin, qui te fait vivre, qui t'a aidé à des moments douloureux, qui t'aide à des moments douloureux. Et qui est toujours là pour toi, qui va jamais te lâcher. Et voilà. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'un père ? Un peu pareil. Un peu pareil ? Oui. Tu vois, il n'y a pas de différence pourtant entre la mère et le père ? Non. D'accord. Qu'est-ce qu'une mère ? Oh ! Une mère, bah... Bah, c'est... Ma mère, c'est... Je l'aime. C'est elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui nous fait vivre. C'est elle qui s'occupe de nous tous les matins. C'est elle qui vient nous chercher. D'accord. Qu'est-ce qu'un père ? Un père, il n'est pas tout le temps avec nous parce qu'il travaille. Toute la journée, presque. Du coup, on ne voit presque pas. Parce que nous, lui, il se lève à 5h du matin pour aller jusqu'à 21h du soir. Et des fois, il finit trop tard. Hein. Du coup, des fois, on ne voit pas le week-end. Et on ne voit que dimanche. Lui, mercredi, des fois. Parce qu'il la dépose et du coup, des fois, il vient là. Mais quand nous, comme nous, on est à l'école, bah, on ne voit pas. On ne voit que le mercredi, le samedi et le dimanche. On ne voit pas le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Ce soir, je crois qu'on va le voir. Nous, on le voit le week-end et le mercredi. Qu'est-ce qu'une mère ? Ah, c'est ma maman. Celle qui m'a rendue heureuse. Qu'est-ce qu'un père ? Ah, c'est mon papa, celui que j'aime, le meilleur. Si je te dis, qu'est-ce que c'est pour toi une maman ? Qu'est-ce que tu dis ? Une maman, ça sert à faire le ménage. D'accord. À nous faire plaisir. D'accord. Et à nous soutenir. D'accord. Et un papa, qu'est-ce que c'est pour toi un papa ? Un papa, c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous achète des choses. D'accord. Qui nous fait faire des choses en dehors de la maison. D'accord. Et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que c'est pour toi, papa ? Papa, bah, c'est à peu près pareil. Sauf que c'est un homme et sinon, la maman, c'est une femme. Donc c'est la seule différence pour toi ? Bah, ouais. D'accord. Bien, donc voilà, un petit moment d'émotion en écoutant la parole de ces enfants. Alors c'est vrai que les pauvres, on les a mis dans une situation un petit peu compliquée hein, quand même de répondre à cette question de qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère. Mais ce qui est finalement assez intéressant là dans les réponses apportées par ces enfants, c'est que finalement vous avez pu observer que les réponses qu'ils nous donnent finissent par se résumer en quelque sorte par la présentation de deux images, on va dire, du père, de deux visages du père. D'une part, l'image stéréotypée et traditionnelle du père, hein, le père qui travaille, qui rapporte de l'argent au foyer, alors que la mère, finalement, si je résume, fait le ménage et apporte apporte de l'amour. Soit il s'agit d'une image plus moderne qui est donnée par les enfants. Le père fait parfois la cuisine, hein, ou le père, comme le dit un des enfants, celui de le dernier qu'on a entendu, qui nous dit finalement ce serait la même chose qu'une mère, mais en homme, en quelque sorte. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les représentations des enfants témoignent de ce qu'on pourrait appeler, de mon point de vue, d'une image un peu hybride, finalement, du père, c'est-à-dire d'une image du père qu'on pourrait qualifier en transition. Alors, pour témoigner de cette évolution, on peut voir qu'on a introduit dans le champ social, on va dire, la fameuse formule des nouveaux pères. Alors, qui sont les nouveaux pères? Les nouveaux pères, ceux qu'on désigne comme tels, sont ceux qui auraient une plus grande donc proximité éducative et affective auprès de leurs enfants. Alors effectivement, les pères ont désormais la possibilité d'être présents aux séances, par exemple, d'aptonomie prénatale. Ils peuvent être présents aux séances d'échographie, de préparation à l'accouchement. Et puis on les retrouve ensuite en salle d'accouchement, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Hein. Et puis à la crèche, et ils bénéficient du congé paternel désormais. Et puis les pères d'aujourd'hui sont donc de manière générale, on peut dire, attendus. Là où, par le passé, on ne les attendait pas et où même on ne les autorisait pas. Donc, les pères modernes sont impliqués dès le premier temps du lien auprès de leurs enfants et dans un engagement quotidien qui tend à s'égaliser, on va dire, avec celui des mères. Mais d'ailleurs, face à cette évolution, on a vu naître de nouveaux concepts, comme le concept du paternage, par exemple, pour désigner l'implication précoce des pères dans les soins apportés au bébé et souligner que les pères ont donc quitté la place de spectateur. D'ailleurs, les études psychologiques qui réfléchissent notamment, enfin qui étudient la question du lien d'attachement, par exemple, ont pu souligner que les pères sont aptes à proposer une figure d'attachement sécure autant que les mères aux jeunes enfants. Alors sur le plan psychanalytique, l'évolution théorique a aussi conduit à voir apparaître à côté d'un concept qui s'appelait par exemple la préoccupation maternelle primaire, un concept de Winnicott, on a vu apparaître un nouveau concept qui est le concept de la préoccupation paternelle primaire, pour souligner donc l'importance de la présence de l'enfant dès les premiers temps de vie et donc aussi l'existence chez l'enfant d'une capacité de triangulation qu'on va qualifier donc de primaire. Ce qui veut dire que les pères vont pouvoir, tout à fait comme les mères, développer une certaine forme de sollicitude favorable donc à l'installation des liens avec l'enfant. Alors jusqu'alors, la psychanalyse, pourtant, avait surtout situé le père dans son rôle de séparateur, dans son rôle différenciateur et interdicteur auprès de l'enfant, en insistant spécifiquement sur sa place de tiers. Elle avait souligné l'importance pour l'enfant de s'écarter de la mère grâce à l'intervention du père, pour échapper notamment au risque d'une relation trop fusionnelle. La psychanalyse donc souligne que le père n'est pas le symétrique de la mère. Il est en quelque sorte l'autre de la mère. Freud souligne que le père est détenteur du phallus, ce qui le différencie de la mère qui n'en a pas. À ce titre, le père donc introduit l'enfant à la question de la différence des sexes et des générations. Le père se place en quelque sorte entre l'enfant et la mère pour rappeler l'interdit de l'inceste et la menace de la castration. Le père, en quelque sorte, détourne l'enfant de son premier objet d'amour qui est la mère. La référence paternelle permettant à l'enfant de se structurer psychiquement car elle contraint l'enfant à renoncer à être le tout du désir de la mère, autrement dit, à être le phallus de la mère, la présence du père permet à l'enfant de constater que la mère en désire un autre, qui est le père. Autrement dit, je dirais d'un point de vue assez traditionnel, la psychanalyse, dans un premier temps, s'est donc centrée surtout sur la fonction tiercéisante et symbolique du père, qui est essentielle pour le développement de l'enfant, ceci en sachant que cette fonction paternelle, tiers, peut être portée par une figure concrète autre que le père géniteur, ça peut être le père adoptif, comme un oncle, un grand-père, ou des figures plus symboliques. En conséquence, la théorie psychanalytique nous rappelle que le père présente une déclinaison, en quelque sorte, présente plusieurs versions, qui ne se réduisent pas, en fait, au père géniteur, au père biologique, et qui ne se réduisent pas non plus au père concret, au père du quotidien, auprès de l'enfant, mais que le père, tel que l'approche la question psychanalytique, engage la fonction symbolique du père, c'est-à-dire engage par ailleurs également sa version imaginaire et sa version idéale. Dans la définition que l'on peut donner du père, il faut rappeler une évidence qu'on voit d'ailleurs très bien avec les paroles des enfants, qui est qu'on va donner finalement une définition de qu'est-ce qu'est un père en partant de l'expérience que l'on a soi-même du père. Et on voit cette petite fille, par exemple, qui nous dit que son père est le meilleur. Alors évidemment, loin de moi l'idée de remettre en cause cette certitude, hein, mais je pense que ça dit de façon assez claire ce qu'il en est finalement de la dimension affective qui est aussi à repérer dans la définition que l'on donne du père. C'est qu'il y a aussi le père affectif, le papa. Et on a vu les enfants, hein, quand on leur demande qu'est-ce qu'un père, ils reprennent mon papa à chaque fois, donc ce qui vient bien dire là quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue. Donc finalement on a plusieurs versions du père en quelque sorte, et la psychanalyse de ce point de vue souligne que ce qui importe d'ailleurs au-delà de la présence même du père, c'est aussi la place du père dans je dirais la tête de la mère, dans son désir. Autrement dit, comme le souligne Lacan, ce qui importe, donc, c'est la place symbolique finalement que le père, que la mère, pardon, laisse au père dans sa propre vie psychique, et c'est la place aussi qu'elle laisse au père dans son discours. Mais on peut ajouter à cela qu'il ne suffit pas que la mère laisse place, en quelque sorte, psychiquement au père. Encore faut-il aussi que le père soit lui aussi motivé pour prendre cette place ou s'autorise à prendre cette place. Autrement dit, c'est dans la conjugaison et dans le croisement des places prises, autant du côté du père que du côté de la mère, que tout finalement se joue. Pour autant, ce qui caractérise finalement la différence entre la paternité et la maternité, ce qui reste fondamentalement différent entre l'homme et la femme, c'est quoi finalement ? C'est que l'homme est né du corps d'une femme. En tout cas, c'est ce que je vous propose. L'homme est né du corps d'une femme, d'un sexe donc différent du sien, ce qui n'est pas le cas de la femme, qui, elle, est née du corps d'une autre femme, donc d'un sexe identique au sien. Effectivement, la beauté biologique de la différence des sexes ne permet pas, jusqu'alors, que l'enfant advienne dans le corps du père. L'homme, pour devenir père, doit, en quelque sorte, en passer par le corps de l'enfant, par le corps de la mère, pardon, qui portera l'enfant. Je n'ai pas mis peur de moi-même. C'est intéressant. Hein, surtout le père du... Enfin bon, bref. Ce qui veut dire que... donc j'en étais à ce moment important, qui est que le père doit en passer par le corps de la mère et par le corps de la femme, plutôt, je précise, c'est important cette nuance, par le corps de la femme qui portera l'enfant, car il est castré de la matrice reproductrice. Donc le père n'a pas accès à la grossesse, à l'accouchement, ni à l'expérience de l'allaitement, et il doit construire en quelque sorte sa paternité en dehors de cette expérience de corps à corps. Mais pour cela, il va devoir donc engager un travail de renoncement, il va devoir engager un travail de deuil sa capacité à, porter physiquement l'enfant. Ça veut dire que le désir d'enfanter n'appartient pas qu'aux femmes, il appartient aussi aux hommes. Et pour preuve, dans les sociétés traditionnelles, mais je pense que Emmanuel nous développera ça par la suite, les ethnologues ont repéré notamment le rituel de la couvade, où le futur père se met au lit, il limite les douleurs de l'enfantement, tandis qu'on vient lui accorder toutes les attentions. Et désormais, pour le père contemporain, on a vu même apparaître un nouveau symptôme qu'on a appelé le symptôme de la couvade, hein, qui se traduit par une grosse prise de poids, des nausées matinales, des brûlures d'estomac, à l'identique finalement des manifestations qu'on va observer chez la femme enceinte. Alors ces phénomènes psychosomatiques, en quelque sorte, ils nous disent bien qu'il y a effectivement un travail psychique que doit faire le père pour dépasser en quelque sorte l'impossible de la gestation et que ce travail psychique relève d'un effort singulier qui engage des enjeux inconscients qu'il va devoir donc élaborer. Autrement dit, le père va de ce point de vue nécessairement offrir une offre relationnelle, présenter une offre relationnelle différente de celle de la mère à l'enfant. Mais il reste aujourd'hui, j'ai envie de dire, la nouveauté qui est que le père a désormais un accès beaucoup plus précoce au corps du tout petit, qu'il toilette, qu'il porte et dont il peut donc désormais prendre soin au quotidien. Alors que jusqu'alors, ce champ d'expérience était réservé au champ de compétences maternelles. Donc le portage paternel du bébé, comme les interactions précoces plus générales développées par le père, vont donc le conduire, à trouver son propre style de rencontre avec l'enfant. Autrement dit, l'enfant est d'emblée aujourd'hui exposé à deux types, de rapports affectivo-corporels, à deux modes de communication, à deux schémas de langage, avec des compétences de triangulation psychique qui, on le sait, sont désormais identifiées comme très précoces chez le jeune enfant. Ce sont les acquis des avancées contemporaines, de la psychanalyse appliquées à la dynamique des liens père-enfant-mère. Voilà, je vais passer la parole à mes collègues. Bien, je vais prendre le relais pour justement discuter un peu de cette question des frontières en allant un peu sur les limites des frontières entre les pères et les mères. Alors, Claudine a abordé la question de la couvade. Et c'est vrai que la couvade, c'est un phénomène aussi qui est bien connu dans certaines sociétés. Et ce phénomène a également existé en France dans une dimension culturelle. Pour le mot couvade, par exemple, le dictionnaire propose une définition anthropologique. Ainsi, le terme couvade désignerait une coutume d'abord observée dans le Pays basque médiéval où un futur père, peu avant l'accouchement de sa femme, se met au lit, imite la grossesse et se plaint des douleurs de l'enfantement, tandis qu'on lui accorde le traitement des femmes au travail. C'est la définition de cette pratique qui est assez peu connue, mais qui est aussi reprise dans la majorité des dictionnaires mondiaux. Pour le Wiktionary, c'est un dictionnaire ethnologique, la couvade est un acte symbolique par lequel le père participe à l'accouchement, se substituant par exemple à la mère après la naissance. Le Larousse mentionne une coutume rencontrée dans certaines sociétés où, après l'accouchement, le père joue le rôle social de la mère et est au centre des réjouissances. Le mot couvade viendrait du verbe couver et, dans le sens figuratif, se dit encore de quelques parties de la France de la coutume bizarre en vertu de laquelle, quand une femme est accouchée, le mari se met au lit pendant l'accouchement ou juste après, prend l'enfant et reçoit les compliments de ses voisins. Rochefort, un observateur français des populations indigènes, Caraïbes des Antilles, auprès desquels il a observé un ensemble de rites pré- et post-enfantement, fait référence aussi à cette pratique française nommée « faire la couvade ». La couvade est donc, on l'a vu, nommée principalement dans deux champs de référence, en psychologie, où il fait mention de syndrome, et en anthropologie, où il s'agit d'un rituel. En effet, on la retrouve dans ces deux domaines de connaissances que sont les sciences humaines et la santé, sans que l'on puisse aujourd'hui, au premier abord, comprendre le lieu commun de la couvade de ces deux disciplines. Barnot mentionne que la recherche ethnographique a mis en évidence l'observation de la couvade ou d'un équivalent de la couvade dans au moins 74 sociétés contemporaines au sein de civilisations agraires comme au milieu de nations industrielles modernes. Alors, je vais simplement mentionner quelques théories élaborées afin d'expliciter les rituels de la couvade. Il y a le travail de Théodore Reck, qui est un fondateur de l'anthropologie psychanalytique et qui apporte des éléments sur la perception de la Couvade à partir de son ouvrage le plus connu, Le rituel, psychanalyse des rites religieux. Reich postule que le rituel de la Couvade a trois objectifs. Le premier, il s'agirait de détourner les mauvais esprits en imitant la parturiente à proximité. Ce serait comme un leurre protecteur. Le deuxième, ce serait plutôt la volonté de la démonstration du lien corporel étroit entre parents biologiques et progéniture, donc père compris. Et le troisième, ce serait un phénomène de sympathie du père avec la parturiente par une sorte d'opération de transfert de souffrance supposée soulager cette dernière, ceci dans un contexte plus général de conception magique des liens étroits d'influence entre les membres du groupe. Alors vous voyez, Reich, il souligne que la Couvade serait une sorte de formation réactionnelle à l'hostilité peut-être contre la femme, apparue pendant la grossesse, ou encore dirigée vers l'enfant qui est né, une forme de formation réactionnelle à l'agressivité du père. Dans le cas présent, l'homme est excessivement préoccupé par le bien-être de sa compagne, comme du bébé, alors qu'une tension interne le pousse à l'agressivité contre eux. Le maintien de l'homme dans sa situation de maladialité a pour but de protéger la femme de ses désirs sexuels ainsi que de son hostilité latente. Voilà, ce théoricien mentionne aussi une barrière efficace contre les impulsions visant à nuire à l'enfant ou à le tuer même, hein, et une identification inconsciente avec la mère. Alors il existe d'autres exemples anthropologiques qui montrent que la fixité d'un sexe peut être remise en cause. C'est des hommes qui imitent des mères à la naissance d'un enfant, et des femmes peuvent devenir aussi donc des pères, étrangement, chez une peuplade qu'on appelle les Nuers. Les Nuers, c'est une population d'Afrique de l'Est vivant dans la haute vallée du Nil. Ils sont présents au Soudan du Sud, surtout dans la région du Nil supérieur. Mais on a également des représentants de l'autre côté de la frontière, en Éthiopie, dans la région de Kambela en particulier. Alors en Éthiopie, lors du recensement 2007, donc sur une population de 73 millions de personnes, il y avait 147 000 qui sont déclarés nuers. Au Soudan du Sud, il y a environ 15% de la population sur les 12 millions d'habitants qui sont nuers, ce qui en fait donc la seconde ethnie après les Dinka. Alors, il faut savoir que la structure politique des Nuers a fait l'objet d'une étude par l'ethnologue britannique Evans Pritchard dans les années 1930. Ils sont à la fois éleveurs et agriculteurs, et leur société repose sur la patrilinéarité, c'est-à-dire que les enfants appartiennent au clan du père. Alors, selon Evans Pritchard, les femmes stériles peuvent être considérées comme des hommes. Elles peuvent épouser une autre femme, et choisir un homme pour vivre avec elle et mettre enceinte une autre femme. L'enfant porte le nom de la femme stérile qui bénéficie du statut de chef de famille et qui est alors considérée comme le sien. Alors c'est Françoise Héritier qui raconte que justement les femmes stériles ou les impubères ou même les femmes ménopausées se trouvent symboliquement situées de l'autre côté de ce système hiérarchique qui oppose les hommes et les femmes. Elle raconte le cas de ces femmes nuères devenu père. Les femmes qui ont pu, après plusieurs années de mariage, fournir la preuve de leur stérilité, rejoignent leur corps familial d'origine, c'est-à-dire le lignage patrilinéaire dans lequel vivent leurs frères. Dès lors, elles sont considérées comme un homme, comme un frère parmi les frères. Par ce changement de statut, elles sont susceptibles d'épouser d'autres femmes, car elles bénéficient d'une partie des compensations matrimoniales versées pour leur nièce. En effet, dans ces sociétés, ces prestations sont essentiellement destinées au père de l'épouse, mais une partie revient aux collatéraux, aux frères du père. La femme stérile, considérée comme un frère, va donc elle aussi recevoir sa part et elle va pouvoir se constituer un troupeau. Ces bêtes lui serviront alors à payer à son tour une compensation matrimoniale pour obtenir une femme d'un autre lignage, laquelle deviendra son épouse. Il ne s'agit pas là d'une union homosexuelle accompagnée de rapports charnels au sens où nous l'entendons. Cela signifie simplement que statutairement, la femme stérile est un mari, qu'elle est servie par son épouse et que, si enfant il y a, ils sont les siens en tant que père. et il y a des enfants car un domestique est chargé de féconder l'épouse sans jamais être considéré comme le père de l'enfant à naître. Il est simplement le truchement dont un époux se sert pour avoir un enfant de son épouse. Ainsi, vous voyez, certaines représentations effacent la frontière proprement sexuée. Lorsque la femme n'est pas féconde en son temps, elle n'est plus une femme, mais elle est un homme. Elle est passée de l'autre côté de la barrière. Alors, je reprends le flambeau. Après ces voyages dans des sociétés autres et après la présentation de Claudine à l'échelle de l'intimité psychique, pour réinscrire la réflexion dans le temps, sans vouloir être la médiéviste de service. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de ne pas avoir ouvert cette conférence pour questionner les origines, parce que l'objet aujourd'hui de l'histoire médiévale, c'est bien autre chose. Cette conférence m'en donne l'occasion. C'est de, pour l'historien des sociétés médiévales, de questionner des modèles, des mots. On le verra, et si peut-être le PowerPoint peut s'afficher. Voilà quelques termes dont, rassurez-vous, je ne vous m'attraquerai pas trop dans cette langue latine qui rappelle l'héritage romain, donc de la culture médiévale. Donc des mots, des gestes. J'aurai l'occasion de vous montrer quelques représentations figurées de la manière dont le père trouve sa place ou pas dans l'intimité familiale. Alors, vous avez entendu par les propos de Frédéric, comme encore une fois par les développements de Claudine, parler de cet héritage patriarcal et en même temps un questionnement qui s'est engagé sur la question du lien, de la possibilité, peut-être même des fois de la permission qui se construit récemment au père de construire un lien sensible, affectif et charnel avec un enfant qu'il n'a pas porté dans son corps. Alors, ce sont des questions qui, finalement, résonnent très fortement dans les études des médiévistes qui, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, depuis la fin du XXe siècle, se réapproprient la question de la paternité. Et ce que je voudrais essayer de questionner avec vous, c'est qu'est-ce qui fait le père ? On a demandé aux enfants qu'est-ce que c'est qu'un père, de manière presque un peu essentialisée. La manière dont je voudrais prendre le problème, c'est qu'est-ce qui fait le père entre le droit, un lien juridique qui le lie à la mère de l'enfant, ou bien le corps. Et je parlerai tout à l'heure de cette qualification très, très précise dans un sermon du XIIIe siècle, des viscera, des viscères du père, pour dire son attachement, son cœur, son lien construit, son lien affectif, on le verra, construit avec ses fils. Comment donc des rôles et des gestes et des places dans cette triade familiale ont pu être assignées au père, et de quelle manière est-ce que se pensent chez les médiévaux d'éventuels dysfonctionnements de ces assignations de genre en termes d'éducation, d'assignation éducative et d'affection. Alors, qu'est-ce qui fait le père au Moyen-Âge ? Est-ce le droit ou sont-ce les corps ? Alors, le droit romain, dont s'inspirent les médiévaux, les spécialistes de l'Église, qui élaborent les normes des sociétés occidentales, le droit romain a fondé une paternité légale sur le lien conjugal, qui unit la mère qui enfante à celui que la société reconnaît comme étant son mari. Et c'est cette formule qui apparaît au centre, pater isquem nuptiae demonstrant, le père est celui que désignent les noces. Donc dans les représentations juridiques romaines, le père n'est jamais que comment est-ce la formule là, de notre que l'époux de la mère, hein, voilà, excusez-moi, le père n'est jamais que l'époux de la mère. Et sur le plan juridique, cet héritage normatif va se retrouver dans la pensée canonique, puisque autre formule des Romains, le père est toujours incertus, incertain, puisque s'il engendre dans le vocabulaire biblique, c'est toujours la femme qui enfante. Et il y a une répartition très forte dans les langages des médiévaux, des langages normatifs des médiévaux, par le droit ou par, on va dire, la théologie, le vocabulaire biblique, cette répartition qui fait que, eh bien, l'homme va être celui qui engendre, mais seule la femme conçoit et enfante. Et puisque le père ne peut pas enfanter, il est dans une toujours dans cette il y a cette espèce de fragilité, cette angoisse première de ne peut-être pas être le génitor de celui qu'on va devoir élever parce qu'il est enfanté par l'épouse. Alors, bien sûr, la paternité naturelle est envisagée aussi en dehors du droit, elle est créatrice de filiation, mais ça n'est pas là que se nouent ces assignations de genre. Alors, culturellement, le père est celui qui va éduquer celui qui est enfanté par la mère, qui est son épouse, et celui qui va organiser la transmission d'un capital. Et des collègues littéraires et historiens, en 2013, on avait organisé un colloque dont le titre que je cite, dont je cite souvent le titre parce qu'il est très évocateur, le lait des mères et le legs des pères. Alors évidemment, il y a un jeu de mots assez facile, mais qui permet de dire qu'on est mère par son corps et on est père par le droit, par le legs, par la transmission. Alors, les principaux stéréotypes de genre s'élaborent dans cette matière autour d'un père qui engendre, d'une femme qui enfante, mais pour rendre vraiment raison et justice à la pensée médiévale, j'aimerais qu'on questionne davantage le masculin et le féminin que l'homme et la femme, parce qu'en disant le masculin, la société médiévale permet de dire la raison, le rationnel, et en disant le féminin, dit le charnel. Alors, cette représentation du masculin qui est la raison et de la femme qui du féminin qui renvoie à la chair se matérialise spécialement dans des scènes de nativité que un certain nombre de quelques manuscrits enluminés du Moyen Âge permettent d'appréhender, d'approcher, et spécialement un ensemble iconographique exceptionnel de la fin du XIIe siècle, une Bible de Pampelune qui a été commandée par Sanche VII, roi de Navarre, et qui est une Bible en images, ce qui permet de montrer comment se construit un discours graphique pour dire une norme. Et l'on voit là la fameuse triade, cette trinité laïque dont parlait Frédéric, c'est un père assis à côté d'une mère alitée, passive, avec cet enfant, alors jeu de perspective difficilement maîtrisé, qui a l'air d'être en lévitation, il ne l'est pas. C'est une manière aussi de dire peut-être qu'il est... le tiers séparateur, là, on ne le voit pas encore bien clairement. On a le sentiment que c'est probablement ce nourrisson emmailloté qui va être l'élément perturbateur du couple, hein, au moins qui complexifie le couple. Il s'agit là de la représentation de Jacob et Rachel dans cette Bible. Alors, les Bibles, et notamment l'évangile de Matthieu, s'ouvrent de manière très significative sur une généalogie du Christ, qui révèle très bien ce qu'est la paternité en contexte chrétien, de l'engendrement d'Isaac par Abraham jusqu'à la naissance de Jésus, né de Marie, dont Joseph est l'époux. On a 39 énonciations identiques que cette Bible permet de représenter. C'est toujours Jacob engendra Joseph. Voilà, c'est toujours le père qui est dit engendré. Il est dans le texte l'acteur, hein, le sujet du verbe, l'acteur de l'action d'engendrement. Et dans ces Bibles, dans ces généalogies du Christ, eh bien, il n'y a qu'à un moment que la femme est actrice de l'enfantement, c'est Marie. La formule est « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus ». Et c'est la seule fois où on n'a pas, justement, ce Joseph dont on verra tout à l'heure qu'il pose un certain nombre de problèmes aux médiévaux. Alors, la mère, elle enfante. Alors, en même temps, vous voyez, dans la construction culturelle médiévale, ça n'est pas une manière de la valoriser, hein, puisque c'est au contraire passif. Et la mère est aussi celle qui va être... par son corps, par la légitimité de son corps, par l'enfantement d'abord et puis par l'allaitement ensuite, celle qui va se voir autoriser la première construction des liens, alors que le père, on le voit spécialement dans cette enluminure, se voit confier la responsabilité de l'autorité pédagogique. Et cette image, alors c'est une enluminure d'un manuscrit du 15e siècle, mais qui illustre un texte qui circule depuis le 13e siècle, qui est un texte de Barthélemy Langlais, qui est un texte encyclopédique et entre autres choses médicales. Et je trouve que l'image est extrêmement parlante de cette assignation genrée des corps, hein, et des rôles au sein de la maison, avec cette très belle construction du lien, voyez, comme l'enfant asexué encore, qui n'a pas d'âge parce qu'il n'est pas sevré, qui est dans les bras d'une mère, qui pose sa main sur cet enfant qui est déjà habillé du costume genré, donc de l'enfant puère, qui a sans doute plus de 7 ans, qui tient la main, dont la main est encore, on voit bien le lien et la construction de l'idée d'une responsabilité partagée, qui tient la main du père, qui lève le bâton dans une posture menaçante, c'est son regard menaçant étant dirigé vers celui qui déjà est en train de se détacher de la construction familiale, qui est sans doute le youénis, l'adolescent, dont peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien, dont la main laisse à dire qu'il commence un petit peu à affirmer sa parole, à engager le dialogue et peut-être à affirmer son individualité. Donc là, on a quelque chose de très parlant. À la mère, le corps nu, d'un enfant dont les médiévaux, ne l'oublions pas, considèrent qu'il est encore un être imparfait, marqué par l'animalité des premiers âges, ça c'est l'influence d'Aristote, et puis un père qui est responsabilisé, vous voyez là on est vraiment dans un intérieur domestique, le père a sa place dans l'intimité domestique, mais pour faire quoi ? C'est le père fouettard de Claudine, pour menacer du bâton. Et pourquoi menacer du bâton ? Ne l'oublions pas, c'est qu'en droit coutumier, le père est comptable des forfaits des enfants. Tant que l'enfant est donc dit dans la main bournie, on voit cette importance de la main, il est dans la responsabilité, il est dans la responsabilité du père, eh bien, il est comptable des délits pénalement. Et donc, non pas que la mère soit déresponsabilisée, et d'ailleurs, dans l'instruction religieuse, elle est au premier plan, mais d'une manière un peu atypique, et dans les manuels pédagogiques, hein, qui circulent abondamment, à partir du XIIIe siècle, c'est au foyer, au plus près du chaudron, que les pédagogues et les moralistes lui conseillent de remplir cet office chrétien. Une fois qu'elle a nourri l'enfant, elle doit l'instruire. Mais comment ? Par exemple, en enseignant ce qu'est l'enfer, en montrant à l'enfant la marmite bouillante, donc en l'assignant au plus près du foyer. C'était marmite était mais j'ai le top. Dit chaudron ou marmite, c'était marmite le mot-clé. Nous avons des codes, nous avons construit un code pour notre dialogue. J'étais surpris que ça arrive là. Oui, un petit extrait qu'on a choisi, on a communément choisi deux extraits de films pour montrer qu'en 30 ans, 40 ans presque, entre Kramer contre Kramer, qui est que vous avez tous vu, un film de 73, et un film plus récent, qu'on va vous montrer deux moments pour que vous visualisiez, après on n'a peut-être pas le même avis, mais comme quoi la dans le cinéma mainstream, dans le cinéma dit commercial, où se figent un peu les représentations que se fait une société de la paternité, la chose n'a pas trop évolué. Parce que vous voyez, dans ces deux films, qui sont comme des matrices de beaucoup d'autres films, en fait, la paternité se construit très facilement. Vers étape zéro, un homme et une femme se séparent. Le père se retrouve avec un enfant dont il ne sait pas quoi faire. C'est le bordel. Puis, dans ce chaos, progressivement, l'enfant finit par aimer ce chaos. Le père lui-même arrive à mettre de l'ordre dans ce chaos. Puis vient le moment où ils s'adorent, mais où l'un et l'autre sentent l'absence de la mère. On est d'accord jusqu'à là ? Super. Après, il y a enfin plusieurs versions américaines. Le père rend l'enfant à la mère. Ou française, il reconquiert la mère. Ou cinéma d'avant-garde, le père part vers d'autres femmes. Ça, mais on l'a pas ici, Sofia Coppola, c'est sa version. Voilà. Donc voilà, deux extraits pour vous. Tu interviendras après, si tu veux contester. All right, a little closer together. Come on, smile. That's it. Hold it. Isn't this terrific? Columbia Pictures presents Dustin Hoffman and Meryl Streep in Kramer vs. Kramer. I just gotta call the office before they go. Joe, you're gonna be real proud of me. I'm leaving you. Was this some kind of joke? Did you know that all the best chefs are men? You got some shell in there. Oh, that's all right. You like your French toast crunchy, don't you? No, Mommy always buys the kind with the orange circles on it. I want my son. You can't have him. What makes you so sure he doesn't want me? I'm late. I'm not that late, dude. I'm only 20 minutes. All the other mothers were there before you. It will never happen again, okay? I'm not saying he doesn't need his father, but I really believe he needs me more. I'm his mother. My wife says that she loves Billy, and I believe she does, but I'd like to know, what law is it that says that a woman is a better parent simply by virtue of her sex? Wow! How does it feel? Good. Okay, keep it going. Keep it going! Keep it going! That's terrific! I love you, Billy. Oh, that's terrific! How do you feel? Good! You look great! Kramer versus Kramer. Tu m'avais dit 16h, il est 18h30. J'ai prolongé parce qu'il s'est éclaté. Et ce soir, pas de dépassement. Non, grave, je coupe-toi à 4h. 1h. 3h. T'es viré. Ok, 1h, c'est très bien. Ça se passe bien ? Sam ! Tu me reconnais pas, c'est ça ? Ah mais oui, oui, oui, Christine, Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir. Avec ton bébé. C'est ta fille. Tu la connais cette meuf? Bon, on a vaguement couché ensemble, mais franchement pas assez pour dire bah tiens, bon, voilà, c'est ta fille, salut. C'est pas là, non? Christine! T'as oublié tes affaires! Ce qui se passe, c'est juste rendre un enfant comme c'est pour moi. Christine! Carte d'embarquement et passeport. Ma copine, elle a oublié sa carte fille. Carte d'embarquement et passeport. Mais donc tu connais qu'une phrase, toi? J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Ah, vous parlez français? Ah, ouais, ça m'arrive. Ouais. Ah, vous allez me sauver la vie. Avec plaisir. On n'est pas à peu près là. C'est pas faux. Si vous changez d'avis, il y a mes coordonnées pro et ça c'est perso. Tu l'as dit ? Avez-vous la moindre idée des conséquences de votre éducation sur Gloria ? La semaine dernière n'est pas venue du tout. Ah bon ? Même pas le lundi ? Papa, maman, elle m'a envoyé un mail. T'arrêtes d'envoyer des faux mails et tu dis la vérité à ta fille. Un matin, elle va se rendre compte que tu lui mens depuis des années et ça, crois-moi, ça va réellement la rendre malheureuse. Je sais. Oh putain. Maman ! Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans ? C'est une éternité. Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant. Sam, ça peut pas être exactement comme avant. Si elle est venue pour foutre la merde dans la famille, c'est pas la peine. J'ai pas envie de la rendre malheureuse, tu peux entendre ça ? Gloria est arrivée dans ma vie du jour au lendemain. J'étais pas prêt. Mais allez, je fais du mieux que j'ai pu. Je te laisserai plus jamais, je te le promets. Elle va revenir. Laisse-lui juste un peu de temps. Tu t'en joues pas. Walking in this life, walking in this life. Alors, on fait des choses formidables dans cette fabrique parce que c'est moi qui rebondis sur Omar Sy. Mais je sais comment faire. Parce que ce qui est. Parce que ces deux extraits de films permettent de raisonner et sont spécialement en écho avec la lecture de ces scènes d'escalier qui m'avaient vraiment frappée. Et j'avais insisté pour qu'elle soit mise en valeur parce que cette scène d'escalier dessinait cette frontière poreuse entre l'intérieur du foyer qui est la sphère domestique de l'espace social où l'on attend. Ah, on va peut-être laisser le groupe part, pardon. Je vais quand même essayer de parler sur vous. On attend que dans cette sphère intime il y ait la femme et il y a la mère. Et les trois exemples, hein, la pièce de théâtre et les deux extraits de films disent les dysfonctionnements, disent les perturbations qu'apportent à l'échelle d'un individu et d'une famille lorsque, eh bien, ça n'est pas comme dans l'héritage médiéval patriarcal, la mère qui assume les premiers soins et qui assume le fonctionnement du foyer, mais que c'est le père qui est finalement assigné à cette nouvelle fonction. Et le malaise qui est à l'œuvre dans la proposition de Bradberg comme implicitement, hein, et c'est un ressort de comédie de drame dans le Kramer contre Kramer et de comédie dans le dernier extrait. Le malaise trouve probablement son origine dans cette construction pluriséculaire de stéréotypes d'une parentalité genrée qui, et si on peut remettre les images, qui, à l'époque médiévale, a trouvé son poste d'observation. Alors pardon, je cherche. Alors où est-il ? Hop. Où est mon Joseph qui a trouvé son poste d'observation. Ah, il a disparu. Oui. Ah non, c'est dommage. Oui, il manque la scène qui m'intéressait. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, voilà. Ça, c'est la nativité de Marie. Hein. C'est aussi une scène très intéressante où il n'y a pas de père. Joachim n'est pas présent dans la nativité de Marie, de même que Joseph n'est pas présent dans la nativité du Christ. Il me manquait cette scène, c'est dommage, vous savez, le chaudron avec Joseph, un peu ridicule, à quatre pattes, en train d'alimenter le feu. Joseph, dans les représentations des médiévaux, c'est un petit peu ce père dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'il naît... Il est un époux de la mère un peu particulier, puisqu'il naît l'époux de la Vierge Marie que, selon des référents du mariage hébraïque, qui évidemment pose quelques questions dans la construction de ce qu'est la conjugalité canonique chrétienne, et donc médiévale. Et il n'est pas le géniteur de Jésus. Rappelons-nous de la formule que j'ai évoquée tout à l'heure, que j'ai citée tout à l'heure, cette formule discordante, hein, dans les 39 énonciations de la généalogie du Christ. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. C'est la première fois en 39 phrases, 39 formules, qu'on n'a pas un père génitor. Évidemment, parce que il s'agit du Christ, dont le père spirituel est Dieu. Et qui, je vais revenir, pardon, à cette formule, qui pour les prédicateurs du XVe siècle, Bernardin de Sienne, c'est un très très grand prédicateur qui a sillonné l'Italie du Nord, eh bien, Marie est la mère et le père du Christ, parce que, nous dit Bernardin de Sienne, je traduis à la volée, le Christ n'a pas d'autre père sur terre que Marie. Donc on a là un modèle perturbateur, pas dysfonctionnant, hein, mais perturbateur dans les représentations stéréotypées. Alors longtemps, les médiévaux ont très mal appréhendé, très mal perçu la place de... Euh, la place de Joseph dans cette triade un peu complexe qui est la Vierge, Marie, le Christ et l'Ecclésia hein, tout entière, avec un Joseph qui est un père adoptif en fait, un père putatif dans un premier temps et adoptif dans un second temps, nourricier. Alors longtemps, ce qui est représenté, c'est Joseph. Vous voyez là, on a pour le coup, on a la nativité du Christ. Hein, on reconnaît la crèche. Vous voyez, vous avez l'âne et le bœuf hein, qui permet de faire la différence avec la nativité de Marie dans le coin supérieur droit. Donc vous voyez, on a toujours cette représentation, même quand c'est la Vierge Marie, hein, de la femme allongée, passive, avec toujours l'enfant un peu volant dans les airs. Mais pas le père, contrairement aux images précédentes. Vous avez ce Joseph qui a l'air un peu désabusé, complètement en dehors de ce qui se passe, hein, que ce soit au moment de l'annonce au berger ou de ce type de scène. On le voit pas du tout avec la même posture que ces autres pères que on voyait dans d'autres images, c'est-à-dire des pères qui ont des gestes qui traduisent hein, des gestes affectifs, de liens. On voit le père qui, alors ce sont des pères bibliques, hein, qui jouent avec l'enfant, qui le porte dans ses bras. Mais voyez, un enfant, on reconnaît par le vêtement que ce n'est pas le nourrisson. Hein, c'est toujours pas le nourrisson. Et donc ce Joseph, un peu en dehors de ce qui se passe, là encore, c'est une Bible moralisée qui montre, on voit Joseph qui est dans son coin, il est toujours à l'écart, dans son coin, sans pouvoir jouer ou trouver sa place dans la triade. Et voilà mon fameux retable. Et donc, au mieux, il est désabusé dans son coin, il est complètement pas concerné par ce qui est en train de se passer, ou au pire, il est ce vieillard, parce qu'il y a une différence d'âge significative entre Joseph et Marie, il est ce vieillard dans cette posture totalement ridicule, enfin volontairement ridicule, dans ce retable du XVe siècle de Coran von Soest, qui a construit une image d'un Joseph ridicule. Et à partir de cette image d'un Joseph ridicule, se pose la question, justement, est-ce que le père au foyer, c'est ce Joseph ridicule, c'est-à-dire cette image atypique, dysfonctionnante, d'un homme qui ne trouve pas sa place ou qui n'est pas à sa place. Et c'est cette question, je me la suis posée en allant questionner d'autres représentations de père au foyer. Alors là, vous voyez, il est hors... dans des manuels, alors c'est dans des manuscrits un peu particuliers, le Taquinum Sanitatis, c'est un tableau de santé, c'est la traduction à peu près littérale, qui est un manuel d'hygiène qui circule à partir du XIIIe siècle en latin, mais qui provient d'un texte d'un médecin bagdadi du XIe siècle, Ibn Butlan, que les médiévaux ont traduit ou plus ou moins latinisé en Al-Bukassis, qui est un manuel d'hygiène et qui est l'occasion de présenter un certain nombre de manières de se comporter au plus intime de la famille. Et le manuscrit a été très très copié et enluminé. Alors en Allemagne, en Italie, on a plusieurs supports et on a ces représentations de scènes de famille où le père est au foyer, alors avec tout de même une répartition genrée. On voit la mère qui file. Donc maman travaille là, mais à ses tâches domestiques qui lui sont assignées. Le père, lui, est celui qui parle. On voit toujours, encore une fois, avec ce geste de la main, il est celui qui maintient le feu. Hein, il maintient le feu, il attise les braises, il maintient le feu et il parle. Il est dans l'interaction avec des jeunes gens qui... Alors, il y en a un qui n'écoute pas, hein, manifestement, mais avec des enfants qui sont justement à cet âge où... Les médiévaux considèrent qu'ils sont docibilis, c'est-à-dire dociles dans le sens où on peut leur enseigner, on peut les éduquer parce qu'ils ont atteint cet âge de raison. Cette autre image, cette autre enluminure du Taquinum Sanitatis sur un manuscrit italien, donc ce sont des manuscrits différents, où on voit à nouveau ces scènes domestiques avec le feu toujours en point central, et on voit les hommes sont bien au foyer, bras croisés, tandis que alors, des femmes, on ne sait pas exactement, là, je ne pourrais pas vous garantir à 100% que ce sont des mères, ce sont peut-être simplement des nourrices, mais on retrouve cette même fonction du nourrissage, du soin pour des enfants. Quand ils sont dénudés, c'est qu'ils ne sont pas encore puer ou puella, c'est-à-dire que ce sont ces nourrissons qui ont besoin de l'accompagnement des mères. Et puis la dernière image qui m'intéresse, encore une fois très très intime, qui permet de questionner comment se dit le lien quand le père n'est pas celui qui nourrit par son corps, mais qui accompagne l'éducation de l'enfant par sa parole d'autorité. Eh bien, cette image, cette enluminure aussi du Taquinum milanais, c'est une scène d'une très très grande spontanéité, d'une très grande, qui dit l'intimité aussi, qui peut et qui est autorisée au père. Il est en train de dormir et les enfants jouent autour de lui. On remarquera que ce ne sont que des garçons, parce qu'il y a aussi cette variable genrée très forte, hein, c'est que qui fait dire d'ailleurs à un dominicain au XIIIe siècle, le père aime surtout l'enfant qui lui ressemble le plus. Et c'est un fils qui ressemble mieux au père. Donc, y a-t-il dysfonctionnement de genre quand c'est le père qui est au foyer ? Probablement. Est-ce que le père n'a pas sa place dans la sphère domestique, dans la construction culturelle médiévale ? Probablement que oui, mais avec toujours une répartition du rapport au corps et du rapport à la parole éducative, au geste éducatif. Quel lien peut se construire dans cette dynamique-là ? Je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai introduit mon propos en vous disant qu'est-ce qui fait le père ? Est-ce que c'est le droit ? Ou est-ce que c'est le corps ? Le père qui engendre, ce n'est pas un engendrement par le corps dans le discours biblique. Et pourtant, il y a une formule que j'ai que j'ai associée à ces réflexions en construction sur la parentalité médiévale, cette formule des viscères du père. Je finirai là-dessus. Étienne de Bourbon, donc au milieu du XIIIe siècle, propose une petite histoire et soumet une petite histoire, un petit exemplum, qui doit servir au prédicateur pour faire réagir un auditoire laïque, hein, puisqu'il s'agit de montrer et d'illustrer ce que doit être la responsabilité morale et l'exemplarité des pères dans l'éducation des enfants. Et il se trouve que ces deux fils ont été manifestement mal éduqués parce qu'ils ont commis des forfaits et la peine qui leur est réservée, c'est d'être jetés à l'eau. Les deux enfants sont en... Alors, c'est une scène fictive, hein, c'est une... Bon, on noie pas les enfants au Moyen-Âge. C'est une scène qui permet surtout de mettre en valeur un père qui, nous dit le texte latin, ne peut rester insensible et saute dans l'eau pour les sauver. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un des enfants qui ignore le geste du père, c'est-à-dire que c'est une et qui va donc se noyer parce qu'il n'entend pas la parole éducative de son père. On voit bien la morale, et l'autre qui reconnaît qu'il a besoin de saisir la main de son père et qui est sauvé. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout cette formule qu'emploie Étienne de Bourbon pour dire que le père ne reste pas insensible, et il dit « non immemor paternorum viscerorum », non oublieux de ses viscères de père, de ses tripes, de son cœur. Alors c'est vrai que le latin peut autoriser de traduire viscera par sentiment, mais c'est des sentiments qui se disent d'abord par le corps. Et donc, d'une certaine manière, c'est une façon, c'est un écho peut-être à l'engendrement désincarné de la Bible que de dire que finalement, un lien se construit aussi entre le père et l'enfant certes une prise en charge de l'éducation et de la correction, du devoir de correction, mais aussi par ces mains tendues, hein, parfois, par les pères qui sont poussés à récupérer, à sauver de la noyade leur enfant par les tripes. Bien, mais on va faire un bond là, gigantesque, hein, puisque moi je vais vous parler maintenant plus de femmes trans qui sont pères en fait d'une certaine façon des enfants. Donc on passe, vous voyez, de Marie-Joseph aux questions de Couvade, aux nuères, aux femmes nuères devenues hommes, mari et père. Et donc je vais l'aborder sous deux angles un peu, la question de femmes trans pères en fait. D'une part par le cinéma, hein, et d'autre part par des exemples très concrets qui ont défrayé la chronique ces dernières années. Premier cas donc qui interroge d'une certaine façon comment ces femmes trans qui ont été pères, comment elles sont considérées et comment elles se considèrent. Comment est-ce qu'on considère une personne née dans un corps dit de femme qui se considère homme psychiquement ou inversement. Le cinéma, on voit, il trace le contour de ces personnes que l'on a d'abord dit transsexuelles, puis transgenres, avant aujourd'hui de parler de manière encore plus complexe, peut-être de transidentité. Car certaines personnes trans échappent ou veulent échapper, en tout cas, à une stricte binarité. Alors pour le cinéma, je vais m'appuyer sur deux films qui abordent la question d'hommes devenus femmes, hein, et donc qui ont été géniteurs, on va dire, et pères d'enfants. Le premier cas, c'est le film Transamerica de Duncan Tucker en 2004. Et puis le deuxième sur lequel je m'appuierai, c'est le film Lola Pater de Nadir Moknesh en 2017. Alors dans Transamerica, l'histoire est la suivante. Brie, qui est transsexuelle, travaille jour et nuit afin d'avoir assez d'argent pour payer une intervention chirurgicale. Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d'un adolescent en fuite qui recherche son père. Alors elle comprend avec effarement qu'il est le résultat, cet enfant, d'une liaison hétérosexuelle sans lendemain qu'elle a eue donc des années auparavant. Alors on le voit, Transamérica, ils traversent ensemble l'Amérique où, étape après étape, le lien se crée entre elle et son fils biologique, jusqu'au moment fatidique où elle lui révèle explicitement qui elle est, à savoir son père. Alors là, il y a une scène assez dramatique, on pourrait dire, hein, qu'on ne verra pas, qui, en fait, montre effectivement le moment choc de cette révélation, le sentiment de culpabilité très très fort, et puis qui se termine par la claque du fils en direction de son père, qui est devenu une femme. La claque du fils, on pourrait dire, sonne comme un couperet. Le silence, la tromperie qui a accompagné cette traversée des États-Unis, où chacune est à la recherche de son identité, elle n'est pas admissible par ce fils au moment de la révélation. D'autant qu'à ce moment-là, celui-ci se laissait entraîner dans une relation amoureuse et sexuelle à l'égard de cette femme avec qui il ne pensait n'avoir aucun lien, et qui se révèle donc être son père à l'origine. Le film montre sans ambiguïté que cette femme devenue se définit comme père de cet enfant, c'est-à-dire en référence au corps biologique au moment de la conception de l'enfant. On voit que Brie culpabilise et se condamne elle-même dans cet extrait. On va regarder un extrait beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme de ce film Transamerica. J'aimerais tant qu'une fois, juste une, il me regarde. Et qu'il me voit. Rien d'autre. Juste qu'il me voit comme je suis. Pourquoi ils sont si gentils avec moi? Tu crois que je devrais rester ici? Est-ce que ça te plairait? C'est plutôt chouette. Je crois sincèrement que tu devrais faire ce qui vaut le mieux pour toi. Mais si ça te fait envie, tu peux venir habiter avec moi. Je n'ai pas les moyens de t'offrir tout ça, mais je pense qu'on se débrouillera sûrement. T'as vraiment essayé de te suicider? J'ai avalé une demi-bouteille de Nambutal. Puis j'ai paniqué, j'ai téléphoné au secours. Peut-être pas du genre suicidaire. Peut-être bien. Ou alors ma mère disait vrai et je n'ai pas le cran de me tenir à une décision. Bien, on peut enchaîner avec le deuxième film, Lola Pater. Donc dans ce film, Lola Pater, on a affaire à une situation qui est un petit peu analogue. On peut envoyer les images, hein, si vous voulez. Vas-y, c'est bon. À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid, une quête d'identité qui est liée aussi évidemment à la question de l'héritage. Son père a disparu brutalement de la circulation dans sa petite enfance. Il rencontre Lola, mais Zino ignore que Farid est devenu Lola, professeur de danse. Comme dans Transamérica, Lola et Zino vont se découvrir par étapes jusqu'au moment de la révélation. Là, c'est la claque du père qui sonne comme un couperet. Même s'il y a un sentiment d'abandon chez Lola, elle assure une forme de contrôle et d'autorité sur Zino et ne se laisse pas injurier. Elle se définit, tout comme Brie, père, mais à sa différence, s'assume pleinement comme le père de Zino. Ils sont d'ailleurs dans la salle d'attente du notaire pour envisager la succession. Lola s'est toujours préoccupée de Zino malgré la prise de distance qu'elle a eue du fait de sa transformation. On voit que dans ces deux films, la transition n'a pas permis un maintien des liens durant l'enfance. Tout se passe comme si le fait d'opter pour un changement de sexe et d'identité sexuelle conduisait inévitablement à la séparation. Il faut la disparition de la mère pour que l'enfant se mette en quête de son père. Dans les deux cas, il prend un intermédiaire qui est censé le conduire à son père. Ce dernier le conduit effectivement à son père, mais par un chemin qui n'avait pas été imaginé par l'enfant devenu majeur. Les deux films font ressortir aussi que malgré la transition, c'est l'identité originelle au moment de la conception qui domine. La dimension biologique originelle l'emporte sur la dimension sociale actuelle. Ces femmes, d'une certaine façon, sont bien des pères. Il n'en est pas de même dans les cas de transgenres qui ont défrayé la chronique ces derniers temps. C'est arrivé l'an dernier en France. Voici l'histoire. Bernard et Marie se sont mariés il y a une vingtaine d'années. Ils ont deux garçons. Plus tard, Bernard se mue petit à petit en clair. Le parcours est classique. Évaluation psy, prise d'hormones, mammoplastie. L'opération est pour plus tard. Et c'est ainsi que de l'union de Claire et Marie est conçu de façon charnelle un troisième enfant, une petite fille, il y a 4 ans. Question, qui est Claire au regard de la société par rapport à son enfant? Son parent biologique, assurément. Mais sous quelle étiquette? Doit-elle figurer sur le livret de famille de sa fille? Claire déclare, je veux être reconnue comme mère. Quelle autre solution pour moi? Je suis une femme, que voulez-vous que je sois d'autre pour ma fille? Ce que confirme aussi d'ailleurs Marie, oui, nous sommes deux mères. La justice française tranchera en désignant Claire comme parent, sans se prononcer sur son statut de père ou de mère. Il y a d'autres exemples, notamment aux États-Unis. Il s'agit cette fois-ci de personnes qui sont nées dans un corps de femme, mais qui se définissent comme hommes. Le cas le plus célèbre est celui de Thomas Beatty, qui avait changé d'état civil sans que l'opération ait eu lieu. Il fut enceint d'une fille en 2008. Il est présenté comme le premier homme enceint du monde. Il aura d'ailleurs 2 autres enfants par la suite dans les mêmes conditions. Et d'autres cas, d'ailleurs, lui ont succédé, Matt Rice, Scott Moore. Thomas Beatty a défendu l'idée qu'il était le père de l'enfant, bien qu'il l'ait porté. Alors, qui engendre, qui enfante, hein, là, dans ce cas. Il a décrit, d'ailleurs, une autobiographie, Labor of Love, ouvrage de plus de 300 pages, pour raconter son histoire. Quelques extraits, première page, « J'ai été une fille et un fils, une sœur et un frère, un petit ami et une petite amie, une reine de beauté et un beau-père, une Jeannette et un marié. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un homme ordinaire qui souffre atrocement. » Mais plus intéressant encore, notons les remarques de Laurent Serrault d'en procréer à la manière des femmes engendrées en tant qu'hommes. Laurent Serrault, anthropologue, retient principalement 2 citations de Thomas Beatty et les commente. « Je suis un homme qui est capable de porter un enfant et j'ai simplement fait cela. » En effet, Thomas Beatty a porté son propre enfant car il dispose encore d'un utérus, bien qu'il soit juridiquement un homme. Quelle est ici la définition d'un homme? Celle du corps, auquel cas il serait une femme, un homme ne peut pas être enceint, celle de sa psyché, celle du regard social porté sur lui. En fait, son identité est celle de son parcours. Il a porté son enfant car il en a la capacité biologique. Il ne l'a pas fait porter par quelqu'un d'autre, une gestatrice pour autrui par exemple. Mais il n'en demeure pas moins psychiquement un homme, ce que la société a juridiquement reconnu comme tel. Une autre citation, « Je suis à la fois le père de notre enfant et la personne qui lui a donné naissance. » On entre ici dans le champ de la filiation. Sa femme, Nancy, avait subi une hystérectomie suite à une endométriose. Il ne souhaitait pas adopter, il devait donc recourir à un don de sperme, un don d'ovocytes et de gestation. Thomas Vetti pouvait encore fournir les ovocytes et avait un utérus. Il est devenu, comme il le dit, sa propre surrogate. Il s'agit pour comprendre que le genre n'est pas une propriété des personnes, mais est considéré dans certaines sociétés mélanésiennes, nous dit Hérault, comme une modalité d'action et de relation. Une personne est un ensemble de relations externes et non pas de propriétés internes. L'engendrement est plus complexe que la procréation. En Mélanésie, il est un processus de corporation-incorporation, de mise en corps, de relations préexistantes. En ce sens, les femmes ne font pas les enfants, elles révèlent à travers eux les relations qui les font exister. Autrement dit, la conception occidentale joue avec l'idée qu'une femme est mère avant tout parce qu'elle peut mettre au monde et qu'elle le fait. Elle serait mère essentiellement parce qu'elle est une femelle de son espèce. Son statut social serait la simple traduction de sa capacité biologique. La conception mélanésienne privilégie plutôt l'idée qu'une femme est mère parce qu'elle est partie prenante d'un certain nombre de relations sociales qui ont permis l'existence de l'enfant. Elle est mère parce qu'elle est membre d'un clan, en relation avec un autre clan, épouse, en relation avec son époux, sœur, en relation avec ses germains, fille, en relation avec ses parents, fille de sœur, en relation avec son oncle maternel. Thomas Betty définit sa filiation à la manière mélanésienne. Il est surrogate et mari enceint, mère porteuse donc, et il porte l'enfant du couple du fait que sa femme ne soit pas en capacité de le faire. Ceci nous rappelle les femmes stériles noires qui, selon certaines circonstances, devenaient des hommes, des maris et des pères. Thomas Betty est un homme stérile qui utilise ses capacités biologiques de femme que sa femme n'a plus pour devenir parent. Il se définit comme père car il est un homme et le mari de son épouse. Le genre convoque sans cesse le corps, le psychisme et le social. Laquelle de ces trois dimensions commande les autres? À quelle loi appartenons-nous? De pères en tout genre, il y en a, il y en aura, tant que l'emboîtement de ces dimensions ne coïncideront pas parfaitement. Mais Claudine va nous expliquer maintenant laquelle prévaut. Beaucoup dépassé, mais un petit extrait avant la conclusion de Claudine et le débat, un petit extrait. J'accélérerai sur les scènes érotiques, vous m'en voudrez pas, mais parce que l'extrait sinon est un peu long. Désolé, c'est ça qui va trinquer. Et c'est un extrait de par rapport au film un peu ancien et mainstream, c'est un extrait de la Palme d'Or d'il y a 2 ans, The Square, qui sans doute propose une image ironique de la place du père réduite que l'on trouve aujourd'hui. Vincent, je te dirais... Ah. Anne? Vincent, tu peux accélérer un petit peu. C'est long. C'est réaliste, donc c'est un peu long. Accélérer là ou pas, je sais pas voir. Ok, non. Mais... It's fine, I got it. Give it to me. No, it's cool. I'll do it myself. Give it to me, Christian. No. I'll do it myself. I'm going to the bathroom, so I'll throw it out myself. It's fine. Okay. Thank you. You really think highly of yourself, don't you? No. I can't believe you think I would do that. Do what? You know what I'm talking about. And what would that be? Oh, you tell me. I'm not thinking anything. Yes, you are. No. You're lying to me no, right now. No, I'm not lying. Yes, you are. No, I'm not lying. Yes, you are. I'm not lying. Tell me, what do you think? Oh, my God, you're being all weird no, now. I'm not. Yes, you are. The second we're done, then you're going straight for the condom. I was trying to be can nice. Can I have it? What do you want to let go of it. How no. How do you let it's go? It's mine. You can't it's get it. It's not yours, Christian. Let go. No. Yes, you're acting like a child. I'm not letting go. Let go. No! I'm gonna let go if you don't let go. Let go, then. You let go! It's gonna break! Yes, it is! Let go! Give it to me! Let... Ok, donc c'est à moi, je pensais pas que c'était à moi comme ça, direct. Oui, c'est un peu compliqué. Ok, bon. du coup, oui, alors ces différences extraites, oui, du coup, c'est le cas de dire. Je crois que ça vient bien reposer finalement toutes les dimensions du problème hein, qui s'organise autour de la définition du père. Donc, au départ, quand tu as pris la parole, Carole, tu nous as dit qu'à partir des questions posées par les enfants, qu'est-ce qu'un père ? On était sur une position un peu essentialiste. Et puis tu as dit finalement que tu allais aborder les choses du côté de la fabrique du père, j'ai envie de dire. On est peut-être en train de fabriquer les choses là, justement. Et tout ça, c'est une affaire de bricolage, n'est-ce pas ? Et ensuite, on a vu à travers la question sociale combien finalement les modèles, les représentations qu'on pouvait avoir étaient à reconsidérer. Et puis on peut dire que l'évolution de la société avec les nouvelles méthodes de procréation ont aussi bouleversé les rôles et les places de chacun. Et il est évident que finalement, quand on se construit père, on va chercher des modèles, j'ai envie de dire. Je suis plus du tout mon truc, hein, mais c'est pas grave, comme il reste plus beaucoup de temps, j'essaie d'aller au fond du problème. Donc, comment on va faire pour se construire père, puisque finalement, effectivement, on va parler dans le champ psychologique, en tout cas, d'un devenir père, pour insister sur l'idée qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, d'un ordre dynamique, hein, qui relève du processus psychique, dans le mouvement, je dirais, pour s'éprouver père, puisqu'on voit bien que ce n'est pas qu'une question de corps, qu'une question de sexe, j'ai envie de dire, aucune question, finalement, de loi aussi, puisque c'est d'abord peut-être une question, de mon point de vue en tout cas, de travail psychique. Et dans les différents films, et notamment, c'est vrai qu'avec Demain tout commence, il y a donc l'enfant qui est mis dans les bras du père, et on voit bien qu'il ne suffit pas d'avoir un enfant dans les bras pour s'éprouver père, et pas plus d'ailleurs, on se sent mère parce qu'on a l'enfant qu'on nous met dans les bras, ou même parce qu'on l'a porté, ou parce qu'on a, je dirais, accouché de cet enfant, pour preuve, par exemple, déni de grossesse. Donc, je voulais juste, en tout cas, insister sur l'idée qu'effectivement, en psychologie, on va mettre en avant le concept de paternalité, comme on a mis en avant le concept de maternalité, pour indiquer que devenir père relève d'un processus psychique, donc ça suppose aussi une temporalité, hein, et donc une maturation. C'est ce qu'on voit avec Demain tout commence, où finalement, peu à peu, le lien va pouvoir se construire, il n'est pas donné d'emblée. Et alors peut-être dire aussi que, je vous disais, pour se construire père, on va chercher des modèles. Et les modèles, où est-ce qu'on va les trouver? Dans le champ social. Donc on a bien compris que selon les sociétés, selon l'évolution de l'histoire, eh bien les représentations sociales qu'on nous propose varient. Mais en tout cas, elles contribuent sans doute à fabriquer le lien que l'on va nouer avec l'enfant, et ça c'est important, je crois, de le percevoir. Mais il y a aussi le fait que quand on devient père, on va se tourner, je dirais, du côté de des pères qui nous ont précédés. Et qu'est-ce qu'on regarde? Le plus près, déjà, son propre père, et puis les pères qui nous ont précédés, et on va devoir se situer à leur égard, ce qui va convoquer des enjeux psychiques, des enjeux oedipiens, des enjeux liés aussi aux comptes, aux dettes qu'on a à régler aussi avec son propre père, hein, au moment où on devient père. Donc tout cela est convoqué. Parce que quand même, ce qui se passe quand on devient père, c'est qu'on on déloge son propre père de sa place et on en fait un grand-père par l'occasion. Et on fait d'ailleurs aussi de sa mère une grand-mère. Donc tous ces enjeux-là sont extrêmement importants sur le plan psychique et ils vont bien sûr être potentiellement préoccupants. Pour preuve, quand je disais que cela convoque des... Alors, tu as dit on saute les passages érotiques, mais je dirais la question de l'érotisme, la question de la sexualité, elle est quand même au cœur aussi de la problématique qui conduit, je dirais, à concevoir un enfant. Et on voit bien qu'on ne peut pas échapper à cette question quand même à un moment, même si on essaie d'avancer ou de faire en sorte que. Mais toujours est-il que quand même c'est une question qui se pose. Et pour preuve, on sait combien, par exemple, on a pu constater combien des troubles de la sexualité dans le couple peuvent arriver aussi au moment où on devient parent. Et avec, par exemple, des hommes qui peuvent se retrouver face à des problèmes d'impuissance ou une perte de désir sexuel parce que, du côté, je dirais, de l'imaginaire qui est convoqué pour eux, dans le fait de devenir père, ça convoque l'idée qu'ils vont faire aussi de leur femme une mère. Et du coup, ça convoque, sur le plan du fantasme, finalement, la relation avec leur propre mère. Donc, ce qui peut être une voie, je dirais, d'explication de ce qui peut se passer dans les difficultés qu'ils peuvent potentiellement rencontrer à ce moment-là, en tout cas. Tout ça pour dire que devenir père, ça convoque des enjeux oedipiens, ça convoque aussi des enjeux narcissiques, parce que tu l'as dit aussi tout à l'heure, Carole, c'est l'idée qu'en fait, quand on devient père, on a aussi l'idée de se prolonger, en fait, hein, évidemment. Le projet d'avoir un enfant, c'est aussi, ça convoque aussi des enjeux narcissiques, donc des envies de duplication, qui sont à ce moment-là, je dirais, mis en scène. Et ça convoque à cette occasion des enjeux de réparation aussi, parce qu'en ayant un enfant, eh bien, on rêve, on imagine finalement cet enfant dans des mouvements qui vont venir réparer bien souvent notre propre enfance blessée. Donc tous ces éléments-là, bien sûr, vont impacter les modalités de lien qu'on va établir avec l'enfant, que ce soit qu'on soit un père d'ailleurs ou qu'on soit une mère. Et puis, il y a aussi un autre élément important, il me semble, c'est le passage, donc si on prend, on va dire, en contexte traditionnel, entre guillemets, qui est donc la figure du couple, il s'agit aussi, c'est une dimension qu'on n'a pas trop développée, mais quand même, il s'agit de passer de 2 à 3 quand arrive, alors si, quand même, avec les enluminures, Carole, tout à l'heure, a bien évoqué cette question, il s'agit de passer de 2 à 3, et ça veut dire que pour passer de 2 à 3, eh bien, il faut laisser de la place, il faut laisser de la place au troisième. Alors pour le moment, la vue, il flottait là, mais il faut laisser de la place au troisième, donc c'est tout l'enjeu aussi de la réarticulation, de la conjugalité, mise à l'épreuve de la parentalité. Parfois, cette place pour le troisième, on va avoir du mal à la trouver, soit parce que cette place, elle est déjà prise, en quelque sorte. Hein. Il se peut qu'un des membres du couple occupe finalement déjà la place de l'enfant, ou il se peut que le groupe famille, il y ait aussi d'autres personnes qui puissent occuper cette place. Donc voilà, tout ça pour vous dire que devenir père, c'est aussi donc se tourner vers les images de père que l'on porte en soi et qui vont motiver des mouvements d'identification ou des mouvements de contre-identification. C'est-à-dire, je veux être un père comme mon père, parce que mon père était vraiment super, et parfois même s'il était vraiment super et le meilleur, comme le dit cette petite fille, peut-être qu'il était tellement super et le meilleur que je n'arriverai jamais à être à la hauteur de mon père. Donc parfois, je peux même décider de ne pas vouloir du tout devenir père. Ou alors, à l'inverse, je veux pas du tout être le père que j'ai eu, enfin ressembler au père que j'ai eu, donc mouvement contre-identificatoire, je veux être un père différent. Et ce qui, au fond, revient au même, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que c'est toujours en rapport avec le père que l'on a eu ou les pères que l'on a pu croiser dans notre histoire de vie, parce qu'on peut en avoir eu croiser plusieurs aussi des pères. On n'a pas nécessairement qu'un seul père dans une histoire de vie, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs, je dirais, figures parentales qui peuvent contribuer à la venue de l'enfance, qui peut permettre de résoudre peut-être ce problème que notre société semble envisager toujours sous un angle, j'ai envie de dire, assez propriétaire et exclusif, où dans la vie d'un enfant, il devrait y avoir une personne qui serait le père, alors que peut-être il y a plusieurs figures parentales qui vont pouvoir occuper cette fonction auprès de l'enfant et que l'idée, ce n'est pas de les opposer, mais c'est peut-être de les inscrire dans une idée de continuité. Alors du coup, ça, je dirais, ça, il faut que je conclue un peu. Oui, alors du coup, ça veut dire que dans les situations notamment de séparation, je voulais juste arriver aussi à cette question-là, puisque je viens de dire que dans une vie, on peut avoir finalement plusieurs figures paternelles, voire plusieurs pères qu'on peut avoir rencontrés dans son histoire de vie, qu'on peut contribuer à nous construire. Et notamment, évidemment, dans nos sociétés d'aujourd'hui, qui est marquée beaucoup par les questions de séparation et de recomposition parentale, cette question est tout à fait essentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de dire, dans ce contexte-là? Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même une chose nouvelle, c'est que les pères, ils revendiquent la garde de leurs enfants. Eux aussi, ils veulent occuper une place auprès de leurs enfants. Je dirais, si les mères ont revendiqué une place sur la scène sociale, désormais, les pères, eux, revendiquent une place sur la scène intime. Sauf qu'on n'est pas certain que les femmes aient décidé de leur laisser la place sur ce lieu-là, et je dirais qu'ils en ont bien conscience et qu'ils la revendiquent d'autant plus fort. Pour autant, même si on est vers une tentative d'égalisation, il ne reste que le salaire des femmes reste inférieur à celui des hommes et et les juges confient préférentiellement les enfants aux femmes qu'aux hommes, surtout quand les enfants sont de jeunes enfants. Alors comment est-ce qu'on peut finalement, quand on est dans cette situation de séparation, je dirais, investir sa paternité, je dirais qu'on peut observer finalement je fais un peu simple, hein, mais pour faire schématique, on peut finalement opter pour 2 options. Soit on va s'agripper au lien, On sent sa grippe au lien avec l'enfant. Le père sa grippe au lien avec l'enfant et revendique en quelque sorte sa part d'enfant. On a vu tout à l'heure, hein, on tirait sur le préservatif. Chacun sa part. Donc c'est la logique propriétaire, j'ai envie de dire, du rapport avec l'enfant. Et ça aboutit bien souvent, comme on le sait, en miroir à la même position de la place de la mère et donc à des situations de déchirement parentaux où dont l'enfant devient, je dirais, l'otage. Ça, c'est le principe de l'exclusivité du lien d'enfant, chacun sa part. Autre option, on peut prendre aussi, et on l'observe également, il peut y avoir l'option qui est de désinvestir sa place de père. Désinvestir sa place de père, comme on a désinvesti, je dirais, l'ex-conjoint, se retirer de sa place parentale, comme on s'est retiré de sa place conjugale, s'effacer de la scène, je dirais, remettre en cause sa légitimité, finalement, dans le lien parental, et laisser, finalement, l'autre conjoint occuper toute la place. Car, finalement, tout ça pour conclure en disant que l'enjeu n'est pas seulement de devenir père, nous en psychologie on parle de l'idée du devenir père comme du devenir mère, mais l'enjeu aussi c'est d'apprendre à le rester parce que tout n'est pas gagné une fois pour toutes, hein. La position parentale est sans cesse revisitée au fur et à mesure aussi où l'enfant grandit. On a vu tout à l'heure l'adolescent avec l'enluminure que tu as présenté, Carole, qui vient venir justement rééprouver, je dirais, la sécurité des liens parentaux. Et puis bien évidemment, c'est compliqué quand on est père à temps partiel, entre guillemets, dans les situations de séparation, s'éprouver dans s'éprouver dans la continuité d'une expérience de lien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à s'éprouver père ? J'ai pas la solution. Hein. Comment est-ce qu'on peut se faire ? Mais j'ai quand même une petite idée qui est de me dire que, finalement, ça bouge nos représentations, qui sont, c'est pas le quantitatif, finalement, qui compte, mais c'est peut-être plutôt le qualitatif, et ça veut surtout dire qu'il va falloir s'inventer d'autres rituels de lien, s'inventer d'autres modalités d'investissement, se penser parent par un autre chemin, hein, et ça veut dire que on doit sans cesse faire preuve de créativité, finalement, pour occuper sa position parentale. Et que c'est la qualité affective du lien, finalement, qui est essentielle. Alors, pour conclure, je vais m'autoriser une petite conclusion qui est discutable. Hein. Moi, de mon point de vue, je pense que le père n'est pas une mère bis. Je n'adhère pas, en tout cas, à cette idée-là, au sens où il me semble qu'il y a un travail psychique particulier qui est organisé du côté du père, un travail spécifique. Mais il reste que la modalité de présence des pères auprès de leurs enfants peut être extrêmement variée. Et c'est ça qui me semble important. Il y a plusieurs façons de devenir père. Il y a plusieurs façons d'être père et il reste à chacun de trouver celle qui lui convient et celle qui convient à son enfant, je dirais, en dehors finalement des représentations normatives. Je pense que la position paternelle n'est jamais acquise une fois pour toutes. Être père, c'est une position, de mon point de vue, en mouvement, toujours en mouvement. Donc finalement, être père, c'est surtout peut-être apprendre à le rester et savoir s'inventer en tant que tel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a largement dépassé, donc je pense que c'est aussi pour ça que... Est-ce qu'il y a quand même des questions ? Est-ce que la parole peut être à la salle ? Maintenant, peut-être c'est un petit peu tard. Et je peux faire circuler ce micro, si vous le souhaitez. Ah ben, formidable. Oui, bonsoir. Bravo à tous les intervenants. Même si je m'étais peut-être pas, j'avais pas tout compris de père en père, je pensais qu'on aurait parlé aussi, mais ce sera peut-être lors d'une prochaine conférence, les besoins de l'enfant, peut-être, hein, parce que les besoins des parents, des pères, des mères, moi je suis père, je suis grand-père, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Ça a déjà évolué quand même beaucoup du temps de mon père, mon grand-père et de moi, ma paternité. Ça a déjà évolué. Je suis pas là pour en parler. Je serais trop bavard. Hein. Mais j'aurais aimé qu'on parle un peu plus des besoins de l'enfant plus que des besoins de père et de mère. Mais bon, ce sera lors d'une prochaine conférence peut-être. N'est-ce pas, Emmanuel ? Oui, ben l'un n'exclut pas l'autre. On peut parler des deux à la fois. Et peut-être que se dire que les besoins d'un enfant répondent aussi finalement, aujourd'hui en tout cas, à une définition aussi de ce que c'est qu'un parent. Je pense que vraiment les deux sont vraiment articulés en fait. Plus que de les opposer, moi je le mettrais plutôt de façon complémentaire, parce qu'on est dans une société qui bouge, qui interroge effectivement qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère. Et les besoins d'un enfant répondent aussi, me semble-t-il, enfin c'est, je pense à Godelier par exemple, qui a défini ce qu'étaient les fonctions parentales. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt une idée de ces fonctions qui doivent être unifiées autour de deux personnes, un père et une mère. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de la diversité des configurations familiales et de la nécessité peut-être de répondre à chacune de ces fonctions, mais pas forcément sur un simple modèle de couple parental, on va dire père-mère. Voilà comment je répondrai. Bonjour, bonsoir. Alors, en fait, moi, la place du père dans la société m'intéresse vraiment beaucoup parce que je suis étudiante en travail social, en deuxième année d'éducateur de jeunes enfants. Donc, moi, par rapport au stage que j'ai fait, je vois quand même de plus en plus de pères qui accompagnent leurs enfants dans les structures petite enfance. Et c'est vrai que même aujourd'hui, je trouve quand même qu'ils s'intéressent aussi beaucoup plus à l'éducation de leurs enfants et au niveau des soins apportés aux enfants, tout le lien affectif, et peuvent être même des fois, quelque part, un peu ce qu'on appelle, entre guillemets, papa poule, même des fois parfois plus investis à certains moments que la mère en fait, pour voilà, où la mère finalement, ce que j'ai pu voir en fait, ce que j'ai pu observer aussi, prend plus sa place en fait professionnelle et plus vers l'extérieur en fait, voilà. Et du coup, il y a un peu ce retour où bah, finalement, alors évidemment ils sont complémentaires, hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas de place, enfin, mais il y a un peu ce côté où finalement le père va prendre une place privilégiée dans le cœur de l'enfant et dans le quotidien en fait de l'enfant. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que voilà, la génération la nouvelle génération de parents, il y a quand même de plus en plus, voilà, cette notion de père moderne, quoi, qui est à la fois à l'extérieur, mais à la fois aussi très présent à la maison et très présent sur tous les fronts. Et ce qu'on voit, c'est surtout un éclatement du modèle paternel, en fait. C'est-à-dire, il y a les pères que vous citez, mais il y a d'autres modèles de pères qui sont restés dans des modèles assez traditionnels, en fait. Il y a plutôt une grande diversité, j'ai envie de dire, aujourd'hui, dans le paysage. Et Claudine, tu parlais, toi, de s'inventer père. Et j'avais envie de te poser une question, en fait. Et s'inventer mère, est-ce que c'est pour toi l'équivalent ou pas? Ou est-ce que la mère est toujours et éternelle, comme le père ou pas? Voilà, pour moi, il faut aussi s'inventer mère, ben, d'autant plus que j'ai aussi souligné que les deux étaient liés, c'est-à-dire que la place finalement que l'homme prend dans la société est en lien aussi avec la place que la femme prend, et la femme que la place que la femme prend en lien avec la place que l'homme prend, bien évidemment, et la façon dont on articule, je dirais, la parentalité conjugue les places de maternalité et de paternalité. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution aussi dans la position, je dirais, que peuvent adopter les mères, mais ce n'était pas le sujet, à l'égard de leurs enfants, et qu'elles aussi, elles doivent s'inventer, je dirais, mères, bien évidemment. Je pense que là, en termes de travail psychique, on est à horizontalité. Bonsoir. Donc moi, je suis père, je suis séparé. Et puis remarié. Moi, j'ai l'impression, enfin, je vous ai entendu, je vois bien la notion d'horizontalité que vous venez de dire entre la mère et le père. Faut que la mère. Moi, j'ai quand même l'impression aujourd'hui, enfin, en tant que père, que en regardant tous mes amis, tous les personnes qu'il y a eu autour, même si moi, je me suis senti père, je sais pas, à 14 ans, 15 ans déjà, je voulais qu'on m'appelle papa. Enfin, j'ai eu un père formidable. Et par contre, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même parcours, évidemment, si les femmes que j'ai connues ne m'avaient pas laissé la place. J'ai l'impression qu'on est un peu plus tributaire de la place qu'on va nous laisser que l'inverse. Alors, c'est un sentiment personnel. C'est-à-dire que certaines mères que je connais ne laissent pas beaucoup de place, malgré un père que je côtoie, et que s'il avait été avec une femme plus ouverte, il aurait eu plus sa place de père. Et j'ai l'impression qu'on est plus en recherche, ou qu'on est un peu plus tributaire pour devenir père, et alors du coup très investi comme on a aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que... Alors, est-ce que c'est la société qui a permis aux femmes de nous laisser la place ? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu otage de la manière dont la mère va réagir, qui fera de nous un père archi-investi ou pas. Au moins dans les premières années, après l'enfant choisi, mais... Bon. Oui, c'est vrai que la société se transforme, je vous rejoins assez dans le sens où elle se transforme pas si vite que ça. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai parlé d'une période peut-être de transition ou d'hybridité, on va dire, qui fait que malgré tout, les stéréotypes dont on a parlé tout à l'heure sont encore très prégnants et que je pense qu'ils gouvernent aussi les places de chacun. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des mères qui s'accrochent, on va dire, à leur place et qui ne laissent pas place pour les pères, et puis des pères qui ne sont pas aussi prêts à s'engager de ce côté-là parce qu'ils redoutent finalement de ne pas être validés socialement aussi du côté de leur effort pour prendre place. Bien sûr que tout ça est une histoire de rencontre, de rencontre intersubjective, quoi. Et si je puis me permettre... Peut-être, alors évidemment, il n'y a jamais de clé d'explication unique. Là, vous parlez d'expérience personnelle, évidemment, irréductible. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que, là, en prenant le point de vue des femmes dans la société occidentale qui est matricée dans l'époque médiévale que je fréquente, que je travaille, c'est que, en fait, la femme, il y avait deux modèles, deux destins pour une femme au Moyen-Âge et dans la société traditionnelle. C'est ou le cloître ou la maternité dans le couple. Et donc, les femmes ont trouvé leur place dans la société occidentale et ont réellement trouver leur place. Et l'Église, par exemple, l'Église médiévale dont je m'occupe, a valorisé la figure de la femme quand elle était mère. Et donc, on est là héritier d'une société pluriséculaire qui a légitimé, qui a assigné, mais en même temps offert une reconnaissance sociale à la femme par la maternité. Et donc, je pense que comme là, on est dans une société de transition, alors ces transitions, à l'échelle d'une vie, elles peuvent paraître très très longues, et on aimerait probablement que les choses aillent plus vite quand c'est à l'échelle de sa vie, mais je pense qu'on est dans un moment où les femmes, et là, en fait, c'est plus une question de place de la femme dans la société, les femmes ont mis tellement de temps. Quand on voit, il y a quand même une accélération extraordinaire de cela. Ont mis tellement de temps à être légitimée en dehors de cette sphère intime, du soin, de l'allaitement, du nourrissage, de l'affectif, ont mis tellement de temps à ce que elle, et est-ce que c'est encore réellement le cas, totalement le cas, à être légitime, à être autre chose qu'une mère, que, et c'est ce que dit le texte, je crois, la pièce de Bradberg, et c'est ce que dit la scène, elle dit « elle m'a tellement manqué ». Cette femme, elle a sa place socialement, elle construit sa carrière, et c'est normal, mais en même temps, elle a probablement cette espèce de fond de culpabilité à ne pas être celle qui joue, à ne pas être celle qui accompagne affectivement et qui a besoin d'être et dedans, et dehors, sur la sphère publique et dedans, au plus près, pour justement continuer à justifier son statut par le lien, l'amour. Qui mérite l'amour de l'enfant ? Est-ce que c'est celui qui fait bouillir la marmite ou qui maintient le feu ? C'est, voyez, la fonction économique qu'on a longtemps réservée au père. Ou est-ce que c'est la personne qui porte mais au monde. Et comme disaient les enfants, de manière extrêmement sensible et sensée, maman, c'est celle qui m'a mise au monde, et puis c'est celle qui me rend heureuse, et c'est celle qui me fait à manger, et c'est celle qui, voilà, dans cette espèce d'intimité du quotidien. Alors évidemment, je comprends parfaitement que il faut que, comme il y a une espèce de construction physiologique qui se construit par la gestation, et que les premiers gestes, ben, ils impliquent, si une mère, elle allait, à moins de tirer son lait et de donner le biberon au papa, l'allaitement, il passera par la mère. Et c'est bon. Après, c'est certain que à quel moment va se faire la séparation par le père, hein, ça c'est Claudine qui pourrait le dire. Probablement que pour les mères, pour les femmes, il faut trouver sa place dans un horizon qui a été élargi, démultiplié, et c'est peut-être pas si simple, et la pièce le dit, et c'est l'avantage de la littérature et de l'art, hein, c'est de questionner sans apporter de réponse, mais c'est de rendre signifiant ce que nous on met des années parfois à appréhender dans des sources ou dans des études académiques, c'est-à-dire cette difficulté d'être à la fois dedans et dehors, d'être légitime comme une mère, comme une femme qui travaille et qui assume son projet de vie, et en même temps rester, on a dit rester père, mais rester mère en quittant l'intime. Et parfois, effectivement, laisser une place au père, c'est pas évident parce que les modèles de mère des femmes, sans doute, auxquelles vous pensez, n'ont pas été ceux que probablement que nos enfants, moi je crois qu'il faut vraiment construire la réflexion dans la dynamique des générations, nos enfants, ou peut-être seulement les enfants de nos enfants, auront eu cette pluralité des modèles par lesquels se construire, et plus, encore plus que ce que c'est le cas aujourd'hui, accepteront que des femmes dans la sphère publique, c'est normal, et des pères dans la sphère intime, c'est normal, et que chacun a sa place. Et ça, je crois qu'il faut travailler dans cette espèce de vase communicant. Je crois, hein, et les débats qu'il y a en ce moment sur les congés paternité, je crois, sont, sans avoir de clé ou de réponse, mais participent probablement de réponses dans le temps long pour que les sociétés produisent des modèles alternatifs qui permettent qu'à échelle de vie, une mère, effectivement, accepte que le père trouve sa place, de même que ce même père doit accepter que la mère trouve sa place sur la sphère publique, dans la place publique. Oui, je pense que la dépendance des pères à l'égard de l'enfantement, on pourrait dire, donc du coup de la mère, c'est une situation anthropologique en fait qu'ont connu beaucoup de sociétés, enfin que connaissent toutes les sociétés, on pourrait dire d'une certaine façon, et ce qui a expliqué finalement l'émergence du patriarcat. C'est ce que dit Françoise Héritier. En fait, les hommes n'ont pas eu, pour être assurés d'avoir une descendance et des fils, d'autres moyens finalement que d'assurer une domination du côté des mères. Depuis 1970, la puissance paternelle est devenue l'autorité parentale conjointe. Donc il y a un rapport d'égalisation qui s'introduit tout d'un coup, auquel les hommes sont un peu désarçonnés finalement par rapport à cette question-là, parce qu'ils découvrent tout d'un coup qu'ils usaient d'une certaine domination, d'un certain pouvoir pour justement avoir des enfants. Ce changement finalement qui s'est opéré depuis les années 1910 a des conséquences effectivement sur la répartition des places et des rôles, et on revient à un état effectivement peut-être plus naturel entre guillemets, et qui témoigne bien effectivement que la place de l'homme n'est pas forcément acquise, qu'elle doit se construire, qu'elle doit s'inventer, pour rebondir sur ce qu'a dit Claudine me semble-t-il, mais peut-être en dehors effectivement d'un rapport de puissance ou de domination, et c'est là une gageure effectivement tout à fait importante pour les hommes. Je crois que je vais devoir avoir le mauvais rôle et les rôles de... Avant de vous remercier... Ok, mais vraiment 30 secondes. En fait, moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous aviez dit par rapport à la place de la femme et du père et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, enfin malheureusement, quelque part... Moi, je vois que même s'il y a des lois qui sont faites en faveur du père pour prendre le congé paternité, ce genre de choses, on reste quand même encore dans des modèles où c'est quand même, même si la femme essaye de s'émanciper et essaye de travailler, de faire valoir en fait sa carrière professionnelle et aussi se considérer en tant que femme et aussi en tant que mère, elle est obligée d'être sur tous les fronts. Et on même dans son travail, c'est-à-dire on lui laisse peu de place au niveau de des horaires plus longues, voilà toutes ces choses-là, et même au niveau des postes, ou même au niveau du salaire ou ce genre de choses, où l'homme va moins s'engager en fait. Au niveau de prendre un congé paternité ou terminer plus tôt pour aller chercher les enfants ou ce genre de choses, où ça reste encore bien évidemment quand même quand même. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être avant de vous remercier, juste vous donner deux petites informations qui sont que vous pouvez trouver des ouvrages en écho à cette fabrique, et notamment ceux des intervenants qui sont là sur le plateau au sein de la librairie du Quai, qui est restée ouverte et qui devait fermer, mais comme on a bien débordé, qui est restée ouverte exceptionnellement. Alors n'hésitez pas à passer par la librairie en sortant. Vous dire également que vous trouverez un article de Carole Avignon sur les pères au Moyen-Âge au sein de la revue Divague numéro 4, également disponible à la librairie. Et vous dire que tous les rendez-vous de la fabrique sont enregistrés et réécoutables en ligne sur les sites internet. Voilà, qu'on fait une petite radio, donc tous les précédents, et celui-ci le sera donc prochainement. Et vous remercier vivement pour cette vaste présentation de pères différents. Merci à tous.